Et c'est avec du Hanafrique qu'on va commencer l'émission Peck Avenger de 21h à 23h. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Hello. Les Peck Avengers sur Indestar, comme on l'a dit tout à l'heure, de 21h à 23h, c'est votre rendez-vous du jeudi soir. Là, cette fois-ci, on va pouvoir dire bonjour à tout le monde. Bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour. Parce que bien sûr, tout à l'heure, quand je dis bonjour, c'était pour les auditeurs, mais bon, c'est pas très grave. Mais nous sommes polis, on dit bonjour. Voilà, on est auditeurs et animateurs en même temps. C'est ça. Oh oui. C'était quoi, vous entendez? Je sais pas ce que c'est. Attends, je recommence. Non, certainement pas. Ouais, mon micro se désactive de temps en temps. C'est pas très grave. Ça va marcher quand même. Alors, dans cette Peck Avenger, on va parler de quoi? Qui veut commencer? Allez, qui ouvre les hostilités? Toi. Moi. Ok. Bah toi. T'es le bon chef. Quel conducteur, vas-y. Ok, pas de problème. Commence donc. Mais c'est pas toi qui ai commencé, c'est Jolan. Ouais. Mais c'est vrai. Moi, je vais parler d'un manga. Je vais vous parler d'Ajin. Ok, j'en ai entendu parler. De mais Tajin. C'est toi le Tajin. Ajin, c'est un manga assez sympa, assez dark. Tu vas aimer en plus, j'en suis sûr. Je l'ai regardé l'animé, donc. Ouais, pareil. J'ai hâte. Que t'en parles. Tu verras. Jolan, tu vas nous parler d'un jeu. Ouais, Sniper Elite 4, est-ce que vous en avez entendu parler déjà? Pas du tout. Non. Je crois que j'ai joué au 2 il y a longtemps. T'as joué au 2 il y a longtemps. Tu vois à peu près le mode de jeu? Oui, bah c'est un sniper qui tue des gens. Okay. Voilà. Ouais. Voilà, super. Ouais. C'est un jeu... Des c'est Allemands nazis, je crois, d'ailleurs. Hein? Quoi? Des Allemands, non? Ouais. Oh. Toujours des Allemands. Parce qu'on aime... faire souffrir les Allemands. Ils aiment sniper. Mais en scénario, quand ils savent pas quoi mettre, ils mettent des Allemands, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est très bien. C'est chiant, ça retrace un peu l'histoire. Il nous faut des méchants, en fait. Les Allemands. Okay. D'accord. Ça retrace l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai hâte que tu nous en parles. Ma foi. C'est à moi, c'est ça? Tu me regardes, Teddy? C'est que je sais l'artiste que tu vas présenter. Bah oui, je vais vous présenter deux trucs très sympas. Je vais vous présenter comme personnalité de la semaine Jim Carrey, évidemment. Yes. On parlera, bien sûr, évidemment, on parlera de Kirk Douglas tout à l'heure. Oui. C'est promis. R.I.P. R.I.P. Ouais. Attends, on a dit tout à l'heure, les R.I.P. On fera une minute dans de silence, actus. Mais pas une vraie, oui, parce qu'à la radio, ça passe. On fera une minute. J'y tiens. Et je vais aussi vous parler du premier album de Selassou. Oui, Jolan, je crois que tu connais. Oui. Moi aussi, je connais. Toi aussi, tu... J'ai été voir tout à l'heure, vite t'as fait. T'as été écouté, du coup? Non, je connais déjà ses musiques, mais c'est surtout pour ses coupes de cheveux qu'elle est connue, voyons. Oui, c'est vrai qu'elle... Elle a une coupe... je sais pas, elle a ses cheveux, ça fait... C'est très bizarre, en fait, ça fait une espèce Une montgolfière. Ouais, c'est à peu près ça. Clairement, une montgolfière. Clairement. Puis après, à côté, t'as tes photos d'elle, genre en vacances et tout ça, coupe de cheveux normale. J'ai vraiment jamais compris comment elle réussissait à les faire tenir. À faire tenir ses cheveux, quoi. À payer des milliers dans le brushing. Mais vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Et vraiment, si vous avez des réponses à cette question, mais vraiment, dites-moi en commentaire. Appelez-nous. C'est un secret encore très bien gardé. C'est exactement ça. Bon, Ismaël, parade c'est à toi. Des la parole voilà. Est à toi. Hey Ismaël. Mais pourquoi tu remets le jingle? D'ailleurs, le jingle. Non, mais ils en fait, il s'est relancé tout seul. Pour que vous sachiez, le jingle sera bientôt refait, surtout ouais, pour la saison 2. On va refaire le générique. Et le générique aussi. Et le générique aussi. Ouais, on vous prévoit plein de surprises. On a compris que vous aimiez transition. Notre belle voix. Transition. Bah, le générique, ça sera sans doute nous qui le font. Par contre, le jingle, vu que c'est trop cheap, c'est ça qu'il nous a dit. Le c'est trop cheap. Je sais même pas ce que ça veut dire cheap. Cheap, c'est ça qui fait pas cher. Pauvre en gros. Qui fait pas cher. Qui fait pas cher. Ah, c'est pas cher. Pas cher, pas c'est cher. Pas cher, marché noir, cachère, cachère. Tajine. Tajine. Tajine. Ce soir, c'est bouffe. On va parler bouffe ce soir dans les Peck Avenger. Non, ça fait trop cheap de faire notre jingle nous-mêmes. Du coup, faut qu'on ait des voix pour le faire. C'est ça. Et c'est dans cette optique que j'ai fait venir une invitée. Très bonsoir, belle transition. Anna. Bonsoir. Vous avez entendu sa voix? Redis-nous, bonsoir pour moi. Bonsoir. Ah là là, quelle voix séduisante. C'est du velours pour les oreilles. Ouais, ouais. C'est clair. Ouais. Genre le bonsoir. J'imagine déjà dans mon cerveau quelques petits jingles à j'ai faire avec Anna. J'ai hâte que tu nous fasses Anna. Les jingles, vraiment, ça va être très cool. Voilà. Donc oui, c'est la première fois que tu viens à la radio? Ouais, c'est la première fois. Je découvre tout ça. C'est très intéressant de voir les coulisses. Voilà. Tout le monde t'écoute quand tu parles, t'as vu tellement que... ouais. On savoure ta voix à la radio. Oui, tu viens de voir les coulisses. Ouais, bah ouais, mais c'est super intéressant. Il y a une bonne ambiance et ouais, j'écoute souvent la radio à la télé, enfin à la radio. mais ouais, c'est en tout cas c'est chouette, ouais. Et du coup, tu serais chaude pour faire des jingles? Bah, si ça vous dit, oui, ouais, carrément, ouais. Carrément. Avec une voix pareille, je ne cache pas qu'on est chaud. Mais ça me plaît beaucoup, merci. Voilà. Mannequin de voix, comme on disait. C'est exactement ça. Mais que de voix. Anna, tu veux. Merci. Ah, allez, ça classe, je dirais. Dans Peck Avenger, ça tacle. En plus, non, c'est pas vrai. Sur tous les sujets. Oui, Ismaël, on fait pas ça. Mais j'ai rien dit. Ismaël, non. J'ai juste dit tous les sujets. Allez là, Marguerite. Je suis là, cette fois-là. Je peux couper ton micro si tu veux. On n'a pas le droit. Ah, mais je vais pas m'égarer, j'ai compris. Non, vous en faites pas, il s'est fait engueuler la semaine dernière. Le plus gros raciste de France a pris des vacances définitivement. C'est... Ah, mais c'est bien, ouais, je suis fier de toi. Mais je me sens mieux depuis, je me sens moins attaqué dans la rue, tu vois, par, par les gens de couleur, des choses comme ça. Ah, je comprends mieux. Non, mais on t'aime bien quand même. Ah, c'est gentil. Et alors... d'ailleurs, tu vas nous parler de quelque chose, toi. Tu vas nous faire deux trucs ce soir. Ouais, alors je vais tout à l'heure vous parler de la série Luna Nera qui est sortie sur Netflix vendredi dernier. T'es pas très content d'ailleurs. J'ai vu que deux épisodes, il y aura pas de spoil, je vous rassure, je vais vous faire une critique destructrice. Genre alors, ça... destructrice. Est-ce que tu pourras d'abord, s'il te plaît, nous dire les trucs que tu as trouvé bien et après faire ta rubrique destructive. Des trucs bien, j'en ai pas trouvé. C'est mais il faut que tu en trouves. Pourquoi t'as voulu regarder du coup? Oui, bah, oui, tout à l'heure, tu nous diras pourquoi. Ah oui, bah de toute façon, tout à l'heure. Tout à l'heure, Jolan vous fera écouter la bande d'annonce et là vous comprendrez pourquoi j'ai trouvé ça bien au début. Et après, je vous dirai pourquoi en fait ça ne va pas. Mmh. Mais je vous dirai ça tout à l'heure. D'accord. Et je présenterai aussi du coup, j'arrive bien à articuler ce soir, c'est ouf. On est fatigué ce soir, ouais. C'est bientôt les vacances. Bah, juste avant de venir, comme d'habitude, moi pour savoir, normalement je crois qu'on doit arriver à 20h à la radio. Je suis le seul connard à venir à 20h30. Je suis arrivé à 18h aujourd'hui. Ouais. Et avec Anna en plus. Ah oui. Et ouais. Ah oui, d'accord, il y en a qui ont travaillé. Même moi je suis arrivé avant, à 19h, alors c'est pour dire. Toi c'était les horaires de train. C'est ça. Mais du coup, je vais vous présenter quatre chroniques, enfin petites rubriques qui sont assez sympas. Il y aura de la technologie, du hacking, voilà, il y aura du jeu vidéo et il y aura de la série. Cool. Encore. En fait, il y a des petites infos comme ça de gaming, on va dire. Enfin, de pas de gaming, mais de technologie. Ouais, c'est du high tech en gros. Enfin, je sais pas. Ça. Okay, on va dire de la pop culture, tout simplement. D'ailleurs, à chaque fois que tu feras une rubrique comme ça, on va te dédier une partie. Thank you. Et aussi dans la programmation de Peck Avenger, Marguerite en a parlé tout à l'heure, on l'a vaguement évoqué. On aura à chaque émission un artiste. Ce sera l'artiste de la semaine. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça sera permanent, ça sera tous les jeudis. Donc il y aura des acteurs, il y aura des chanteurs, il y aura. La semaine. C'était pas la semaine dernière, mais c'était pour la spéciale. La dernière spéciale qu'on a fait sur Eliette les jeux vidéo, je Eliette a parlé d'une compositrice de musique de jeux vidéo, oui, par exemple. C'est vrai, qui avait fait. Elle avait participé à Link, enfin ouais, à Zelda. Elle avait fait la musique de Zelda, enfin bref, elle en avait fait plein de que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, on fait des big up à Eliette, Cindy, Charles, tous ceux qui nous abandonnent. Bah, bravo, ils nous abandonnent. Mort au combat. Comme Kirk Douglas. Ah non. On a dit au combat. On n'a pas le droit. Bah, il est je bon. T'interdis. Ok, ok. Voilà. Donc c'est Jolan qui va voir les hostilités normalement. Ouais. Avec Sniper Elite, tu vas nous en parler après Gifla. Encore Gifle là. C'est vraiment toujours. Ouais, non, je te jure. C'est vraiment le titre. Wow. On a l'impression de la revoir tout le temps Gifle. Ah, c'est très bizarre. Il aime gifler. J'aimerais vraiment savoir pourquoi ce titre. Non, c'est son nom. C'est son nom. Oh, mais non. Gifla. Tu déconnes. Gifla. C'est une coréenne. Ah ouais. Ah. Peut-être que ça ne veut pas dire la même chose en coréen. Je pense. C'est possible. Dans tous les cas, son titre de musique, c'est Good Vibe. Good Vibe. Non, il n'y a pas de S. Donc et tout à l'heure, on parlera de Crazy Vibes. Ça tombe de bien. Ça tombe très bien, ma foi. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Les Visiteurs en Amérique. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Exactement, toujours avec nos superbes jingles. Peck Avenger, c'est mieux que... Oula, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits, dis donc. Ah, bah c'est beaucoup mieux, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé, Jolène? Dis-nous tout. Parce que nous, tout le monde a entendu, je pense, les petits. Un petit câble, sûrement. Non, un insecte. Un insecte, oui. Un insecte, ouais. qui fait des petites électrocutions, ouais. C'est ça. Oh, ça doit être ça. Bon. Du coup, je disais. Oui, c'est toi, Jolan, qui va ouvrir les hostilités. Ouais. Tu vas nous parler d'un jeu de Sniper. Sniper Elite. Je vais mettre une petite. Faut être précis. Attendez, je sais pas si on va l'entendre. Voilà. Magique. C'est la musique d'intro de menu quand tu arrives dans le jeu. Hmm. C'est la musique du thème, comme on dit. C'est assez sombre comme jeu. Enfin, sombre. C'est un jeu d'infiltration, en fait, si vous voulez. Bah, okay. Du coup, comme les comme on a carrément sniper, en fait, t'as plusieurs modes de jeu. Tu peux soit y aller en mode bourrin. Ça existe un sniper bourrin? Oui, ça existe. Je suis pas étonné. Ouais. Bah, t'as pas vu American Sniper? Bah, mais c'est plus des snipes, c'est des fusils à pompe à peu près. C'est ça. Mais en fait, c'est un jeu qui est sorti. Je vais changer les paroles. Il est sorti en 2017 sur Windows et Xbox One. Ok. Et ça retrace l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en 1943. Et ça se passe en Italie. Oh. Après, l'histoire se déroule en Italie. Et tu joues les Français ou les Italiens Tu joues les Américains. Donc c'est très. Pour changer. Voilà, les ça, Américains c'est, en Italie. Il y a un peu des clichés, c'est les Américains et les sauveurs et tout. Donc, ouais, toujours. Tu joues ça. Et le jeu est vraiment bien fait. J'ai quand même 350 heures de jeu dessus. Ah, c'était pas 150, c'est 350. Ouais, non, là, je me suis trompé, mais c'est 350 heures ça de jeu. Ça fait beaucoup. Okay. Bah, ça fait beaucoup. En fait, ce qui est vraiment bien dans le jeu, c'est que. Bon, mis à part que tu dois tuer des gens, c'est pas forcément. C'est un jeu de guerre, donc c'est un peu le principe. Oui, en plus. Mais il y a des trucs un peu plus trash aussi. Par exemple, t'as des cinématiques quand tu tires au fusil, que tu vas avoir des ralentis sur. Je sais comment on appelle ça. C'est un nom précis. Ah, je sais plus. La kill cam. Ouais, c'est ça, la kill cam. Oui, en fait, si tu veux, tu vas avoir la balle qui va. C'est dégueulasse, je veux dire, mais qui va pénétrer le cerveau. Tu vas dire, la balle, t'as touché en pleine tête. Alors, oui, à 210 mètres, t'as touché le mec, mais tu vas avoir un ralenti de la balle. C'est un peu glauque, je vous avoue. Pour ceux qui connaissent Mortal Kombat, quand tu fais un finish him, en gros, quand tu tues l'adversaire, quand tu le finis, quand il a plus de PV, en fait, il fait une petite vidéo assez sympathique si tu fais une action un peu avant. Et ben, en fait, tu vas voir des parties du corps humain, genre les muscles et tout ça, et bon, bah ça est détruit. Parce que Mortal Kombat, c'est assez sanglant, violent. Je pourrais jamais jouer à des jeux comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut avoir l'estomac un peu accroché quand même, parce qu'il y a des trucs, tu peux tuer. Je sais pas, c'est quoi l'intérêt? Mortal Kombat, ça marque de fabrique. Moi, je t'avoue que les cinématiques que je les passe, parce que bon, ça me saoule au bout d'un moment, mais c'est un peu dégueulasse aussi. Mais genre, tu peux toucher le cœur, le foie, enfin, c'est le truc de. En fait, c'est juste qu'ils ont voulu détailler un petit peu. Ça te montre ce que tu vois dans le corps humain en fait, quand la balle. Il y a un côté un peu bizarre, mais C'est pour le côté réaliste en fait de la chose, je pense, malheureusement. Non, tu vois pas à travers les muscles des gens. Non, bah là. Non, mais tu vois l'os qui va se briser. Ouais, mais tu le vois pas ça en vrai. Je te vois faire des drôles de tête, Anna. Oui, non, mais je découvre tout ça. Voilà. C'est sympa comme jeu, dis donc. Ça ne résume pas Peck Avenger. Non, Peck Avenger, ce n'est pas de la violence. Non, c'est pas de la violence, mais le jeu est bien fait parce que, mis à part ça, le scénario est bien. Il est pas trop mal, c'est pas too much. Alors explique-moi un peu, parce que dis-moi. Pour l'instant, je suis resté sur le il y a des nazis et tu es un américain, donc pour l'instant, c'est pas excessivement original. Si tu veux, en fait, tu incarnes, j'ai oublié le nom du. Un américain. Un américain, c'est Carl quelque chose. Ok. Carl Douglas. S'appelle. Carl Douglas. Et en fait, tu dois aider les partisans en Italie pour se débarrasser des nazis en question. L'OMS, mais c'est comment ils appellent ça L'ONU Si, l'OMS peut-être. L'OMS Ça me dit quelque chose. Ouais. C'est quoi possible, c'est l'organisation. C'est l'organisation justement qui envoie le commando pour aider les partisans, j'ai oublié le nom. Les CRS Non. c'est pas le truc, l'Alliance et. La Trinité ou je sais pas. Non, l'Alliance et. Oh, je sais plus, c'est un nom particulier. L'Alliance interplanétaire. Bon, je sais pas. La France, un autre pays et les États-Unis contre les Allemands et je sais plus qui. Bah, c'était Russie. L'Axe contre les Allemands. L'Axe, ouais. Ah, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oh là, d'accord, ok, oui, L'Axe. Ça, ça fait appel à nos cours de il y a longtemps. Histoire du collège. Collège. Enfin, moi, c'était il y a pas si longtemps, je devrais savoir. C'est clair. Oui, c'est vrai. Et tu le rappelles, toi ? T'as 18 ans, c'est ça ? Oui. Maintenant, je suis la plus jeune de l'émission, je peux le dire maintenant. Voilà. Galen n'est plus là. Vu que Galen est passé à Krypton, à l'ennemi. Alors, quand même, on précise qu'il sera là une fois par mois, quand même. Ouais, voilà, ne quitte pas totalement l'émission. Bon, ouf. Tout va bien. D'accord. Ouais. On l'a gerté en fait. Le jeu a été créé par. Enfin, a été développé par Anglais Rebellion, je sais pas si vous connaissez. Anglais Rebellion ? Ouais. Je connais pas. Le nom est bien. Non, je connais pas. Non, du tout. Du coup, il y a une saga forcément parce qu'il y a Sniper Elite 4, il y a le 1, le 2, le 3 et le 4. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé juste au 4. En fait. Mm-hmm. Parce que j'ai regardé plein de vidéos avant et puis en fait, ça retrace toujours un peu la même histoire. Et... Ok, mais ça, c'est une question que j'aimerais bien vous poser. Dis-moi. Vu que j'ai 3 gamers face à moi, c'est génial. Pourquoi souvent pour les jeux vidéo, genre quand vous nous en présentez un, genre vous allez prendre le 2, le 3, le 4, tu vois, et des fois vous avez pas fait ceux d'avant. Ah, ouais. Pourquoi ce choix? Genre est-ce que pour les jeux vidéo, tu peux prendre n'importe lequel? Il y en a, ça se passe comment? La plupart, tu peux les prendre n'importe comment. Les Assassin's Creed, si on parle d'Assassin's Creed par exemple, tu pourras pas commencer au Odyssey, tu vas rien comprendre. D'accord. Ouais, mais tu peux commencer par n'importe quel autre Assassin's Creed. Oui, tu peux commencer, mais c'est toujours mieux de savoir l'histoire. Alors, c'est toujours mieux de savoir, mais tu peux quand même, parce que dans chaque jeu, par exemple, là, The Witcher, j'ai acheté The Witcher 3. Oui. Ouais. J'ai jamais joué en 1 ni au 2. Oui. Mais pour autant, c'est intuitif. En gros, c'est comme si tu commençais une nouvelle histoire, même si les personnages ont déjà eu une histoire. Mais okay. Tu comprends en fait en jouant au 3 que, ah tiens, ça a dû se passer dans le 2 ou dans le 1. Tu comprends des choses. Parce qu'il y a des flashbacks. En fait, c'est ça. Ce qui est bien dans les jeux, si je peux te reprendre un peu là-dessus, oui. C'est que dans les histoires, quand t'as le 1, 2, 3, voire plus, genre je vais prendre la série Skyrim, c'est que. J'en étais sûr qu'il y avait ça. En plus, c'est con. Mais non, mais c'est, comme on en a déjà parlé, tu vas pouvoir plus l'imaginer. C'est que les histoires. C'est des trucs, par exemple, le Skyrim s'est passé, je crois, 1000 ans après les faits de Oblivion, qui était le numéro 4. Voilà. Et pourtant, ça n'a pas empêché les nouveaux joueurs comme moi. J'ai jamais joué à Skyrim avant celui-là, le Dragonborn. Et j'ai tout compris à l'histoire. Et j'étais là, ah, d'accord, ça s'est passé avant. Mais en fait, comme il y a des grosses temporalités, c'est pas très gênant. Et dans Sniper Elite 4, je pense que les autres, ça doit être Première Guerre mondiale, je suppose. Ça, ouais. Et là, Deuxième Guerre, du coup, bon. À chaque fois, c'est soit dans des espaces-temps différents. Ouais. Ou ça... ouais, okay. Mais c'est bien expliqué, il te laisse pas genre bienvenue, tu connais, t'as déjà joué au jeu, non, démerde-toi. Ça serait inintéressant pour eux en fait. Il y a toujours un récapitulatif au début. Ok, en fait, et du coup, pourquoi pas commencer par le 1 directement ? Bah, je t'avoue que. Parce que des fois, ils sont que sur PS1, et du coup, voilà. Si tu as PS4, voilà. Mais pourquoi ? Après, ça fait du rétro gaming. D'accord. Bah, parce que les jeux sont sortis, ils sortent pas tous en même temps. Non, c'est vrai. Sinon, aussi, ils sortent très vite. Parce que celui-là, il est sorti en 2017, donc ça commence à. Alors que Sniper 1, il est peut-être sorti en 2005, si ça se trouve. D'accord. Et moi, je l'ai acheté sur PC, donc. Et puis, graphiquement, il est magnifique, quoi. Même mais ils font pas de nouvelles éditions, genre, je sais pas. Ça arrive, ils le font pas sur tous les jeux, non, déjà. Pas tous les jeux. Et par exemple, là, justement, on y vient. La PS5, quand elle sera sortie, tu pourras jouer au jeu de PS1 jusqu'à la PS5. Ça, tu pourras jouer à n'importe quel. C'est génial. Ça ouvre un monde totalement ouf. Enfin. Je sais même pas, je suis trop pour là. Ouais, j'attends que ça. Bah, le concept est cool, mais c'est cool. Bah, ouais, franchement, ouais. Et puis. On pourra jouer à Sniper Elite. Hein. Et aussi, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que, comme dans tous les jeux de guerre, il y a un mode multijoueur. Ok. Et je crois que c'est un jeu qui me fait le plus le stresser en multijoueur, parce qu'en fait, du coup, tout le monde est au sniper et c'est super silence. C'est pas quand tu vas te prendre une balle, putain, c'est trop chaud. Lors les games. C'est limite, hein. La game la plus longue que j'ai faite, je crois, elle a duré, sans exagérer, 2h30, je pense. J'étais contre des mecs, ils bougeaient pas. Non, ils étaient là. C'est pendant 2h30. Toi, tu bouges. Bah, tu fais mieux aligné direct, quoi. Putain, donc, du coup, c'est super strict. T'as la goutte de sueur et tout. Tu n'as pas envie de bouger. En fait, tu sauras qu'il y a un adversaire là quand tu te seras pris une balle. C'est ça. T'attends que t'as ton pote qui court et ton pote s'est fait tuer. Enfin, tu vas pas aller par là, quoi. Du coup. C'est ça. Tu doutes. Ah, il est par là. C'est bon. Ouais. Ok. J'envoie des grenades. C'est un jeu assez complet. Si vous aimez les jeux de tir de précision, c'est vraiment sympa. Parce que c'est ça la différence avec Call of. J'imagine. Ouais. Là, c'est vraiment axé sur le sniper. Quoi. C'est c'est vraiment principalement basé dessus. T'as d'autres armes? Tu fais pas du no-scope. Si, t'as d'autres armes. T'as une Thompson et puis une Thompson. Thompson, c'est une mitraillette, on est d'accord. Et t'as un pistolet silencieux. D'accord. Ouais, ça, c'est pour les combats rapprochés des snipers, généralement. Très efficace aussi, le pistolet. Mais il n'y a pas le truc classique. Enfin, moi, j'ai joué un peu à Call of dans ma vie, un petit peu. Moi, je joue au bouclier anti-émeute. J'adorais faire ça. Peu de gens le jouent. En vrai, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais contre un flingue? Le mec il tire dans les pieds, tu meurs quand même. Logique de Call of. Ce que j'ai pas dit aussi dans le jeu, c'est que tu peux jouer en infiltration et t'as des attaques corps à corps. Ah. Et ça, c'est un peu trash, j'avoue que. Un peu comme le tir de balle. Enfin, en fait, comme le jeu en son entièreté, on peut dire. Ouais. Mais il est vraiment bien fait, il est complet, il est agréable et tout. Donc. Et petite question, est-ce que vous avez accès aux grenades? Oui. Et quand il y a des grenades, est-ce que le corps explose? Oui. C'est dégueulasse. C'est pour ça qu'il y a marqué Eddy 18 sur la boîte. Oui. Bon, tu peux pas le donner à ton gamin de 15 ans qui... Ouais, faut vraiment être prudent. Ouais, le détail est trop... C'est tellement bien fait que... Et pour autant, je sais qu'il y a plein de jeunes qui jouent par exemple à Mortal Kombat qui est à peu près le même style que les killcams. Même à GTA 5, tu vois, c'était par exemple. GTA 5. C'est trash un peu. Et encore, je le trouve plus abordable que Mortal Kombat. Tu vois, les vidéos de Mortal Kombat, les finish him, sont assez sanglants, ils sont bien. Tu vois, tu peux voir un mec se faire découper, quoi. Ah oui, d'accord. Genre à l'assaut. Mais en plus, faut je sais pas. Moi j'aime bien. Moi c'est un jeu que j'apprécie parce que bon, c'est une époque aussi que j'ai pas mal étudié pendant que j'étais au lycée. Puis, vous le voyez pas la cam, mais ouais. Anna a fait une sétrite. C'est magnifique. Découpage. Genre, oh, je suis choquée. Oh, ils se découpent entre eux, mais c'est quoi non, ces mais gens? Je pense que j'adorais en fait. Je pense que c'est un mélange entre l'intérêt et puis tu vois, ça m'intrigue. Mais après, tu aimes bien l'horreur. Il y a du dégoût et de. C'est ça en fait. C'est un peu excitant. En fait, c'est intéressant, même si c'est un peu. Je te rejoins si c'est un peu trash. Mais il y a l'histoire derrière qui fait que c'est intéressant et que t'as envie de finir le jeu. Tu es des nazis ou des serpentards, c'est toujours intéressant. On va s'arrêter là avec les nazis. Ils prennent toujours cher, en vrai. On les aime bien. Dans Avengers, ils prennent cher. Ouais, c'est ça. Cindy, si tu... Tu vois, t'en as juste une couche. J'étais obligé. Ah bah, nous appelons, c'est à l'heure. Mais tu sais quoi, tout le monde pense à Cindy, moi j'étais en train de penser à Elliot. Hein. Oui, on l'oublie, c'est la serpentard cachée derrière Cindy parce que Cindy a une grande gueule et qu'on l'a entendu pendant longtemps. Mais quelle violence. Par contre, j'étais en train de penser, elle peut pas nous appeler. Ah, pourquoi? Parce qu'elle a pas le numéro. Ah, transition, papa. Si vous voulez nous appeler comme Cindy pour nous dire que vous êtes pas nazi, vous pouvez le faire au 09 70 407 306. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Venez vous faire soigner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur indestar.fr. Vous pouvez trouver les podcasts sur indestar.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Deezer, iTunes, Spotify, une vingtaine de plateformes de podcasts. Vous pouvez aussi nous voir en live Twitch, normalement. Il nous voit pas, il nous entend. C'est pareil. Ils nous entendent. Ils voient l'audio. Ouais. Non, on va s'arrêter là. Si, en vrai, ils te voient toi et Jolan, parce qu'il y a l'image de vous oui, sur Twitch. Oui, c'est vrai, notre petite bannière, avec toujours un Antoine derrière, qui n'est plus parmi nous. Il est comme Kirk Douglas. Il est déchu. D'ailleurs, je tiens à préciser que bientôt le fond sera changé. Ah. Oui, pour la saison 2. On a fait une petite réunion dimanche avec les Peck Avengers. Oh, je vois pas de quoi tu parles. Moi j'étais pas là. Oui, c'est vrai. De toute façon, t'es viré après, on te l'a pas dit. Ah oui, je rigole. On va remasteriser, si c'est comme ça qu'on va dire. Ouais. On va dire ça, c'est ça. J'aime bien ce terme. Mmh. Remasteriser un peu l'équipe, enfin le contenu de Peck Avengers. Nouveau générique, nouveau jingle, nouvelle bannière, nouveau tout ce que. Tout nouveau est nouveau. Tout. C'est ça. Il y a juste un truc qui change pas, c'est Marguerite qui s'appellera toujours Marguerite. Alors, voilà. Oh, mais je suis habituée, ça fait plus grand pied, voilà. Je m'en fous maintenant. Mais tant mieux. Je t'en prie. Donc fais-toi appeler Marguerite, change de prix. Non. Dis aux gens que tu t'appelles Marguerite. Non, je ne veux pas, c'est mort. C'est pas grave. Ça changera pas. C'est son nom d'animatrice radio. Par contre, voilà. L'artiste que tu. Enfin, non, pas l'artiste. La musique que tu vas nous présenter, c'est Lassou. Alors, c'est pas une musique, c'est un album. Et c'est une artiste, c'est Lassou. Oui. Oui, c'est une artiste, mais c'est pas l'artiste de la semaine. Ah. C'est Jim Carrey l'artiste. Non, c'est vrai. D'accord. C'est pour ça que j'ai. C'est pour ça que je précise que c'est l'album que je vais présenter. Mais je parie qu'elle s'appelle pas C'est Lassou. Alors non, son vrai prénom c'est Sein Putsess. C'est une quoi? Sein. Et alors je sais pas comment ça se prononce. Putsess, je pense. Vas-y, appelle-le pour voir. Ah non, c'est pas français, c'est belge. Ah ok. Tu peux l'appeler? Bah Sein S-A-2-N-E. Et Putsess P-U-T-S-E-Y-S. San? En français. Non, c'est ça. E-Y-S. Donc non, c'est un E-S. Non, je après, j'ai le premier mot, j'ai pas le temps d'écouter le deuxième. Sein. Ouais, San. Ça, oui, moi je prononce à l'anglaise. Ouais, ouais, San, ouais, peut-être, évidemment. Oui, ça se trouve, ça se dit San, j'en sais rien. Ouais, c'est chaud quand même. Ils ont des drôles de noms, les Belges. C'est chaud, n'importe quoi. San, c'est joli. Tu nous parleras d'elle après la musique, du coup. Eh ben écoute, oui, après, je suis en train de préparer ça. Non, attends, c'est pas Stafleur. Si, c'est Stafleur. C'est qui avait dit Stifleur une fois? qui a osé dire Stifleur? Non. Je sais plus, mais je suis sûr qu'il y avait quelqu'un qui avait dit Stifleur. Bah, c'est pas dans notre émission. Chloé Stifleur. Bah ouais. Bah, Chloé Stifleur. Je trop m'en vais. Non, Chloé Stafleur. Ah, ça y est, j'y arrive. Si, c'est Chloé Stafleur. Je m'en vais. Sinon, prononce là la française Staflé. Staflé. ça fait pas Chloé Stifler, attention. Ouais, c'est très bien Staflé. Je m'en vais, qui est une reprise de Vianney. On l'a entendu. Ouais. On l'a entendu en plus. C'est mieux que le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. Oui, mais vous m'avez entendu apparemment dire « Ah, le bâtard !» Oui. Est-ce que vous savez de qui je parle? Gaëlan. Oui. Jolan. Exactement, je parle de Gaëlan. Non. Ah, je croyais que tu disais ça. Gaëlan nous envoie des messages. Qu'est-ce qu'il dit? Gaëlan, il m'a envoyé un petit message. Enfin, il nous a envoyé un petit message. Bah, vas-y, lis-le, vu que tu l'as en face de toi. Oh, mais sérieusement. Oh, le petit bâtard. Le petit bâtard, c'est ça. Il dit « C'est vraiment autre chose quand je ne suis pas là, il y a moins d'ambiance. » Et il envoie I'll be back. C'est parfait. Ah, d'ailleurs, j'adore ce mec. Oui. Et faut savoir je te fais des bisous, Gaëlan. Et t'es dit, quand t'as parlé de la minute de silence, il a fait oui, une minute du silence. Genre. Mais j'étais sûre, mais oui. Voilà. Ah, attends, nous avons eu un appel apparemment. Ah bon ? Yann me dit que nous avons eu un appel. C'est Cindy. Cindy la naze. Non, j'en sais rien. Oui, est-ce que le téléphone. Ah ouais, il y a une notification. Ring, ring, ring. Et ben, on va peut-être rappeler cette personne. Bah ouais. Qui c'est. Bah, d'ailleurs. Mais qui est-ce ? Mais qui est cette mystérieuse personne ? Vas-y, on l'a numéro. Vous le saurez au prochain épisode. Vas-y, on rappelle. Voilà. C'est parti. En attendant, Cindy elle a ressorti un nouveau chapitre de sa fanfiction sur le Serpentard, Drago Malfoy, si vous voulez aller lire la suite. Dans les yeux du serpent. Ouais, les yeux dans les yeux du serpent, c'est ça. Ouais. Allez voir. Allez lire. Allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui. Vous avez appelé Indestar ? Comment ? Vous avez appelé Indestar ? Oui. Bah c'est Gaëlan. Okay. C'est Gaëlan. Bah oui, c'est moi. Bah oui, vous avez pas reconnu. Mais tu entendais cette voix étrange et trop bizarre. Au début, mais dès qu'il a remis sa voix normale, comment vas-tu, Gaëlan ? Bah ça va très bien. D'accord. On se passe bien. Bah ouais. Ça va ? Ouais, t'es en train d'écouter apparemment. Bah oui, je suis en train d'écouter. On est très triste parce que tu n'es pas là. Tu mets moins d'envie. Je parie que ça te manque. Ça tombe sous le sang, c'est. Oui. Bah évidemment, ouais. Et en plus, tu rates Anna, je te signale. En plus. Ouais. C'est Anna Free. Enchantée. Oui. Je sais pas si elle est free, mais elle est Anna en tout cas. Oh là là. Oh, elle mais était c'était nul. Je suis sûr, ça te manque pas les blagues. Tu pourras passer dans Krypton si tu veux. De quoi ? Ah, c'est sympa. Tu pourras passer dans Krypton, c'est l'émission du vendredi soir. D'accord, très bien. C'est sympa. Tu pourras avec passer plaisir. Dans toutes les émissions. Je vais me balader. C'est vrai que j'étais comme vous, j'écoute sa voix, je fais oh putain. Oh, mais arrêtez. Elle va faire nos jingles, je suis très contente. Ouais, j'ai entendu. Ça va être cool, t'as vu ? Trop cool. Et du coup, t'as un petit mot à dire ou t'as peut-être une réaction à faire, non ? Attends, je veux d'abord. Je veux. Oui, vas-y, vas-y. J'ai une réaction à faire, c'est pour ça que j'ai appelé. Ouais, vas-y. Bah, en fait, moi je suis pas Serpentard. T'es un pouce souffle si je me trompe pas. Non, il est Ravenclaw. Non, moi je suis Serdaigle. Ah yes. Non. Il est dans ma team. Il y a Neuclem, moi aussi. Oh non. Yes. D'où il y a plus de Serdaigle. Et toi, tu changes. Un jour t'es Gryffondor, un jour t'es pouce souffle, un jour t'es Serdaigle. Faudrait savoir. Je suis un Serdaigle normalement. Mais je suis un Gryffondor refoulé. Je voulais être Gryffondor de base. Mais bon, je suis un Serdaigle. Nous sommes de fiers poufs souffles, n'est-ce pas, Ismaël ? Exactement. Dans le doute, tu vois, je me mets en retrait des Serdaigles. T'es poufs souffles ? Oh putain, on est trois poufs souffles ! Mais oui, c'est bon ! C'est génial ! Ouais, mais bon, vu que je suis Serdaigle, ça sera Serdaigle. Non, nous sommes en majorité ce soir, donc ta gueule. Non, mais on a Gaëlan, il est là, il compte plus que nous. Ah, c'est vrai. Il compte deux voix vu qu'il nous a appelés. Gaëlan, est-ce que tu as une remarque à faire par rapport à Kirk Douglas ? Car je vais en parler tout à l'heure. Oui, je suis très triste, mais comme je pense que tu vas le faire aussi, Vincent nous a conseillé pas mal de films. Oui. Et ce que je ferai demain, sinon qui est Vincent ? Voilà, je conseillerai quelques films de Kirk avec Kirk Douglas. Vincent, c'est notre prof d'esthétique du cinéma. D'accord, parce que vous, voilà, vous êtes à l'ESCAT, oui. Qui est l'école de cinéma. Voilà, ah, c'est ça. Si bien présenté par Gaëlan. En plus, prof d'esthétique du cinéma. Ouais, c'est en gros. Comment t'expliquer ? Ils font du maquillage. Non, en fait, esthétique, c'est vraiment on reprend. On reprend les films, on reprend, on va par exemple dire de quel plan il s'agit, on va vraiment analyser en fait les films si tu veux. Et d'accord. L'esthétique en fait du film, donc de quel type de plan ils ont utilisé, la musique, plein de choses. J'étais en CFA, il y avait un bâtiment esthétique, mais c'était vraiment des esthéticiennes quoi. C'est pas la même chose. C'est là où t'as les pécho. C'est pas la même. Ouais, sinon, moi je vous recommande les classiques Les Sentiers de la Gloire et Spartacus. Oh, d'ailleurs, ils passent ce soir à la télé. Ils passent ce soir à la télé ? Sur quelle chaîne ? Mais non. Oh, je vais les louper. Sur Paris Première. Oh, okay. Mais attends, on regarde pas la télé, je te rappelle, on est dans PK Avenger. Nous, on regarde Netflix. C'est ça, et encore. Mais bon, c'est gentil plus. D'avoir appelé quand même, Gaëlan. Merci bien d'avoir appelé. Puis on te retrouve demain à 22h pour Krypton. Yes. Et exactement. Tu vas nous parler de quel film ? Eh ben, tu suis pas beaucoup les infos sur Facebook. Oui, j'avoue. Mais je le sais, mais je le garde, je pose la question pour les auditeurs, voyons. Ah oui, je vais présenter, on va parler du film plutôt, Soyez sympa, rembobiné. Soyez sympa, cool. Rembobiné. Bon, soyons sympa, on rembobine, pas de Krypton. Demain, c'est avec Jack Black d'ailleurs, non ? Mathilde, tu l'as vu ou pas ? Non, je l'ai pas encore vu, il faut que je le voie. Pourquoi tu voulais m'inviter? Parce que voilà, il manque quelqu'un. Bah malheureusement demain. Non, je ne peux pas demain soir en plus. J'aurais ouais. beaucoup aimé, mais okay, je ne peux bon, pas. Tant pis. Bah Anna, tu l'as vu? Anna, l'as-tu vu? Oh, déception. Ah. Moi, je l'ai pas encore vu. Je dois le regarder demain après. C'est triste. Hein. Bah, il faut que je le voie ce week-end aussi, donc comme ça, j'écouterai avec grand plaisir l'émission. Bah voilà. Parfait. Et ben dans ce cas, on te retrouve demain à 22h. Ouais. Bonne nuit, Guélane. Bonne nuit. Allez, ouais, bonne soirée. Bisous. Merci à toi aussi. Bonjour. Les Peter Avengers. Ouais. Bonne nuit. Va bonne dormir. Nuit. Bonne nuit. Ouais. Bah du coup ça voulait dire un petit peu va te coucher et arrête d'écouter, mais du coup ça nous fait alors des non. chiffres. Donc faut qu'il reste écouté pour qu'on ait toujours un auditeur au exactement. Cas où... Oui c'est mieux. Mais le truc principal qu'il faut retenir c'est qu'il n'est pas Serpentard. Oui. Donc déjà il est plus accepté dans l'équipe que certaines. On n'en parlera pas. Ah, faudra se refaire un deuxième Harry Potter spécial clash. Ah, c'est ça. Ouais. Oh, spécial clash. Y a ça va être redondant au bout d'un moment, je pense. Il y aurait tellement à dire. Mais non, tu sais, tous les ans, on se fait la coupe des quatre maisons. Ah, en vrai, ça pourrait interne être interne à l'émission, avec, tu vois, avec des épreuves et tout. Et tout. Ouais, avec un armor oh, et tout. Alors, ça, je pense qu'on devrait même pas le faire en émission, on devrait le faire en vidéo. Ouais. Parce qu'on a aussi prévu ça pour PK Avenger. Faire des petites vidéos qui sont hors de l'émission, mais qu'on va vous les mettre sur Facebook. Et on en parlera un petit peu à l'antenne aussi, évidemment. Ouais. Eh, en vrai, on devrait se mettre des trucs aussi sur YouTube, non? Oui, Facebook, YouTube. Alors, nous en parlerons en interne. Voilà. En interne. Nous ne sommes pas là pour tout remasteriser pour encore une fois. Bref, vous verrez bien, il y aura plein de changements d'ici cette année et d'ici l'année prochaine. Voilà. C'est ça. Là, maintenant, on va parler de Célassou. Oui, tu prononces bien. Célassou. Oui, Célassou. En vrai, je sais. Ouais, je crois que c'est ça. Comme question, ça comment tu l'écris? Parce que moi, tu vois, imaginons que je suis un auditeur et j'écoute. Comme ça. Et tu as envie d'aller écouter? J'ai envie d'aller écouter. Si je mets Céla, c'est C-E-2-L-A. C'est avec un H. Avec un H, d'accord. Et après, c'est Sou, S-U-E. Et c'est de quelle origine, du coup? Elle est belge. Ah. Mais alors, c'est pas son vrai nom. Comme je disais, son vrai nom, c'est pas du tout ça. C'est Sayin Petson. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais je ne sais pas. Tu l'as appelé comment, Céla? Non, plus c'est. C-E. Ouais, 2-L-A. Ouais. Non, alors pas 2-L-A. C'est... Ouais, justement, c'est ça. Non. Tu dis, il y a un H à la fin. Non, y a... c'est S-E-L-A-H. Ah oui. Et c'est pas pareil, hein. Célassou. Donc prenez vos crayons, écrivez ça et allez vite écouter. Parce que c'est très cool. Oui. Mais avant d'écouter. Bah attends, on va avoir des extraits en plus. En plus, mais il y a même des extraits. C'est de la qualité cette émission, moi. Vas-y. Ils sont pas prêts. Vas-y. Ah, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Mais après, on l'entend dans le micro, c'est pas prêt. Il y a moyen de les écouter sur le jack de. Non. Si. Non. Bah j'espère bien. Si, il y a moyen, ouais. Ah bah bravo, Jolan, tu n'as pas fait ton boulot. J'ai pas eu le temps. J'espère qu'elle est sur Spotify, l'artiste, parce que c'est. Bah elle est sur YouTube. Donc elle a une playlist, en tout cas, elle a une playlist Spotify pour son album, qui a un album éponyme, Célassou, donc vous trouverez assez facilement. Et pourquoi t'as voulu nous présenter Célassou? Pourquoi j'ai. Il y a plein de raisons, parce que déjà j'ai grandi avec cet artiste. Je l'écoutais tout le temps, c'est mon père qui m'a fait découvrir et j'écoutais tout le temps avant. Et c'est vraiment une artiste dans laquelle, déjà, je me reconnais beaucoup dans les paroles. Parce que parce que c'est juste je t'en parlerai comment l'émotion monte. Ouais, l'émotion monte et puis je me retrouve beaucoup dans sa personnalité, mais ça je vous en parlerai un peu, je décortiquerai un peu, je suis fatiguée, excusez-moi. les paroles tout à l'heure, donc c'est vraiment parce que j'ai grandi avec cet artiste. Tu vas pas le faire tout à l'heure, tu vas le faire maintenant. Non, mais c'est plus en fin de rubrique, tu vois. Voilà, pour la petite larme. Pour la petite larme, pour le petit moment et un peu émotion, tu vois. Voilà. Commençons par le commencement. Bah déjà, qu'est-ce que vous savez de Célassou? Parce que. Elle a une coupe de cheveux bizarre. Vous connaissez? Oui, bon, mis à part ça. ça fait longtemps que j'ai pas écouté ses musiques en vrai. Mais celle-là, je l'ai pas écoutée par exemple, c'est sûr. Mais j'en ai déjà écouté, hein. Ça m'est déjà arrivé de regarder la télé et de la voir. Parce que. Mais je m'en rappelle plus des basses. Ça fait un moment maintenant qu'on la voit plus sur le Alors non, parce qu'en fait elle a sorti un album il y a pas longtemps, Alone, qui est vachement bien aussi, je vous le conseille. D'accord. Mais je crois pas qu'elle ait prévu de... Enfin, je pense qu'elle a prévu de ressortir un album bientôt, mais je sais pas pour quand c'est. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Donc écoutez, allez voir, je n'en sais rien. Ah, celle-là j'aime beaucoup. C'est celle-là. Ragamuffin. Ragamuffin, ouais, c'est ça. Ragamuffin. Exactement. 17 millions de streams sur Spotify, c'est quand même énorme. Ouais, et de toute façon, bon, j'y arrive. Autant commencer parce que bon, vous me demandez plein d'infos, mais j'ai tout dans ma rubrique, donc je vais commencer simplement. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Bon, déjà, pour vous faire une petite présentation, donc c'est une chanteuse belge, comme je vous l'ai dit, qui est quand même assez connue, faut le dire. En 2011, notamment, elle a gagné un European Border Breakers Award. Un European, européen. Ah, ok. Border Breakers Award. YOLO. YOLO. Ah bah, j'ai tout de suite compris ça. Moi aussi j'ai compris YOLO. Ouais, t'as qu'à dire que je prononce mal aussi. Non, c'est juste peut-être qu'un YOLO. YOLOPN. Ça sonnait bien comme. En fait, ça fait un peu russe la façon dont tu dis YOLOPN. YOLOPN. Non, YOLOPN. Si ma meilleure amie entend ça, dis-toi qu'elle est russe et je vais me faire taper sur les doigts si ma meilleure amie est russe. Ma meilleure amie est russe. Elle parle russe. Bah forcément. Non. Ah, non mais on sait pas, elle peut être d'origine non, russe. Non mais elle vient de Moscou donc oui. Faut que tu la fasses venir. Oh mais carrément, bah après elle est à Paris donc c'est un peu m'en chaud fous. Mais bon, on veut une fille avec un accent russe. Oh bah pour voilà. Même te parler en russe si tu veux, ouais, tu pourrais dire ouais, des mots doux on en russe. On kiffe le russe. Pas de soucis. Alors, Michael Boire d'Enrôler dans la folie si tu nous entends. On a trouvé une russe. Tu vas pouvoir t'entraîner à parler russe. Réellement. Voilà, bon, fin de l'aparté, je peux continuer. Bon, je continue. En gros, alors en 2012, elle a gagné un. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Un EBBA Public Choice Award. Donc, en gros, elle a un peu comme un. J'ai un choix du public un en fait. Un IBBA. Un IBBA, oui, si tu veux. Oh, cette chanson est incroyable, mais la plus forte, s'il te plaît. Tu te fais vraiment en chier à parler en anglais. Hein. Je kiffe cette chanson. Attends, juste. Vous aussi, vous l'entendez que d'une oreille? Oui. Ouais, ça, ouais alors, on l'a que au côté droit, ouais. C'est tout à fait normal, je pense. Ça doit être, c'est le stéréo. Je parlerai aussi. C'est le stéréo, oui. Stéréo, c'est-à-dire que vous pouvez entendre que d'une oreille. Oui. Et non, t'as les deux, en fait, mais il y a certains sons qui sortent d'une oreille et c'est de l'autre. Oui, mais là, non. Tout à l'heure, on les avait les deux oreilles et je sais pas. Y a ah, un c'est cab, il a, le câble il a dit fuck. Mono droit. Vas-y, on s'en fout. Mais c'est la grève du câble. C'est ça. Ah, ça y est. Ouais. Ah, c'est revenu au milieu. Ah. C'est donc, bon, pour continuer, en. Oh, mais vous me laissez faire ma rubrique. Ils sont chiants. Donc, toujours la même année, elle a été nommée par le Rolling Stone Magazine une des nouvelles artistes de l'année. Donc, c'est comme faut avouer que c'est une artiste qui a été beaucoup reconnue. Mm-hmm. Donc, pour l'album. Qui lui aussi, qui a vraiment fait sa renommée. Donc il est sorti le 4 mars 2011 sous le label Because Music. Vous connaissez peut-être, c'est un truc belge. Non, pas du tout. Bon, okay, bon. Moi je connais Montreux, je crois, c'est belge ou c'est suisse, je sais plus. Mais... c'est tout ce que je connais. Montreux, oui, c'est. Ouais. On parlera de Montreux d'ailleurs et de. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà, Ismaël? Hein, le grand cactus peut-être. C'est les Darwin Awards. Oui, il faut qu'on parle morts, de Darwin Awards. Les plus teubés. Oui, c'est ça. Les morts les plus drôles. Ah oui, ouais. Je tiens absolument à en parler. Il faut que j'aille en parler sur Actu Solid parce que c'est très drôle. T'as très chanté drôle. Sur Actu Solid. Oui. Faut que tu viennes dans Actu Solid tout court. Je vais venir. C'est promis. Ah non, aussi si tu veux. Oh bah allez. Et tu vas venir c'est dans très chaque drôle. Émission, c'est sûr. Tu vas voir comment on fait chaque émission. Qu'est-ce qu'ils font dans chaque émission? Pourquoi là là là? Je sais pas, je chante. D'accord, je me vois de baryton. Okay. Bon, puisqu'on parlait de chiffres tout à l'heure, est-ce que tu sais, Ismaël, à combien d'exemplaires elle a été vendue? Alors, si elle a été Rolling Stonée comme je pourrais. Non, mais franchement, pour apparaître dans le magazine Rolling Stone, c'est super compliqué. Je pense que bah, du coup, ça doit être au moins des milliards. Du coup, on est à. Alors, en Europe, on est à 720 000 exemplaires. Ouf. En France, rien qu'en France, on est à 320 000. Ouais. Ce qui est pas mal. On est la moitié de l'Europe à nous tout seuls. Ouais, c'est ça. Un petit peu moins. Faut croire. Un peu moins. C'est bon, on s'est tous compté que 700 000, ça fait 350 000 la moitié. Hein. Voilà. Wow. Donc 320 000, on sera un petit peu moins. Ok, voilà. Ok. Mais ouais. Et en 2012, d'ailleurs, il est sorti en 2012 aux États-Unis et il a fait plus de 400 000 téléchargements en une semaine. Ah ouais. C'est énorme. Bah. Question, est-ce que ça a été certifié disque de quelque chose d'or, platine, oui, alors diamant, justement, ça a été certifié disque de platine en Belgique par 4 fois, ah en ouais. France 2 fois et en Pologne 1 fois. Il a aussi été... oui, en Pologne aussi. Mmh. Et il a été aussi décerné disque d'or en Hollande. Oh, ce qui est pas mal, faut avouer. Moi j'ai une petite question. Oui, pourquoi je chante en anglais, en fait, du coup, c'est si elle est belge question. Bah écoute, je sais pas du tout. Mais j'avoue que moi, si je devais chanter, je chanterais en anglais. Oui, ah ouais. Pour l'ouverture du monde, j'imagine. Enfin, ouais, ouais, c'est pour une question d'ouverture. Et puis même, personnellement, je préfère chanter en anglais. Enfin, je sais pas, c'est une belle langue. Donc, Ça me fait penser à une petite anecdote, justement. Vas-y. Tu t'en es même pas rendu compte. Tout à l'heure, quand t'étais en train de préparer ton sujet en off, on était en train de manger des pizzas. Non, on n'avait pas les pizzas encore. T'étais en train d'écrire et tout. Et elle me pose une question, ça lui paraît tout à fait normal. Au fait, le français de review, là, comment on dit? Mais attends, mais t'es pas française, toi? Non, mais je te, t'es pas censé le savoir. Je te jure que quand j'écris des trucs ou quand je parle, des fois, je me rends pas compte, je parle en anglais sans vouloir, en fait, c'est vraiment... La meuf, ça y est, genre, à un niveau d'anglais... Non, mais c'est... T'écoutes beaucoup de choses en anglais J'écoute quasiment que des chansons en anglais, je chante que des trucs en anglais, donc ça rentre dans la tête. Au bout ouais, ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, c'est une langue que j'adore. Alors, Bah, je savais pas y répondre. Non mais je te jure, si tu regardes mes notes pour l'émission, t'as de temps en temps dans mes phrases, je change. D'un coup, j'écris en anglais puis en français. C'est bon. Voilà. Apprends les mots qui l'arrangent en fait. Mais ça, je te jure, des fois c'est ça en vrai. C'est putain, comment on dit en français raison. Déjà, bon, je sais plus, on bat les couilles. Ça s'adapte après. Hein. Exact, ouais, on s'adapte. Écoute, moi je trouve ça bien. Et donc, on en parlait tout à l'heure, donc cet album, donc vous les entendez en ce moment, il a eu un gros succès pour les chansons Ragamuffin, Crazy Vibes, This World et Summertime. Mm-hmm. Il y a également eu un duo avec CeeLo Green, qui est un rappeur américain, qui s'appelle, donc, pour la chanson Please, qui est vachement cool aussi. Mm-hmm. Je suis pas sûre de vous l'avoir mise, mais allez l'écouter, parce qu'elle est très sympa. J'ai vu aussi, oui. Il y avait un Crazy Vibes. Ouais. Elle a été, comment on dit, quand il y a un artiste qui a fait une musique, et ils l'ont combiné avec un autre artiste. Un match-up, je dirais. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça un match-up. On va dire un match-up avec Nekfeu. C'est quoi la différence avec un featuring, du coup ? Le featuring ? Oui, alors ça, c'est qu'ils l'ont créé ensemble, la musique. C'est ça. D'accord. Alors que là, c'est la sou, à mon avis, elle n'a pas chanté. C'est un feat, on peut dire. D'accord, ouais. Alors qu'un match-up, c'est vraiment, tu prends deux chansons et tu les... Ouais, tu les mets ensemble, en fait. Ou alors, tu vois, Célasso, elle a inventé sa musique. Et en fait, le mec, il a enlevé certains couplets de Célasso et il a mis ses couplets à lui. Je pense que ça doit être quelque chose du genre. Et avec ça a été créé par qui ? Nekfeu, Gizmo, je sais pas. Parce que oui, c'est des fans qui ont fait un mashup, hein. Ok. Non, même pas. Je crois pas, je pense que c'est une officielle. Ah ouais, un mashup officiel, c'est ça qui me surprend. C'est étonnant. Ok, d'accord. Faudra qu'on ait vérifié parce que j'ai vu ça vite fait. Mais bon, ça m'a étonné. J'ai vu c'est la sou, Nekfeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Gizmo, je sais plus. Je le connais pas lui, mais je connais le nom. Écoute, j'irai voir. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. On a des insectes sur la ligne. Qu'est-ce qu'ils font? En ce moment, Ismaël et Jolan sont en train de tourbillonner autour des consoles. Je remettais le son en stéréo. Côté droite et gauche. Ah, mais il est incroyable cet homme. C'est fou. Il nous fait des parasites dans les oreilles. Il a envie de me lécher le téton. Petit aparté, voilà. C'est quoi la rêve? Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas, je suis déçu vraiment. Avais-tu fini avec Célasou? Ah non, j'ai pas fini, mon gars, j'ai pas fini encore. Bah non. Ah d'accord. Non, j'ai bientôt fini. C'est vrai. Est-ce que vous avez une petite idée du genre? Parce que je savais absolument pas de quel genre. Oh, il y a plus de musique. Tu dirais bien un peu de jazz. Alors, il y a du jazz dedans, mais un peu de reggae, non? Alors oui. Ragamuffin. Bah juste alors. J'ai deviné comme ça. En fait, c'est un mélange de genres. C'est du moderne R&B. Ah. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bah que du R&B. R&B. Ouais. Oui, non, mais en gros, c'est un mélange de quoi, d'après vous? Je sais pas. En fait, c'est un mélange de plein de trucs, c'est pour ça que je dis qu'il y a du jazz, il y a plein de choses dedans. R&B, t'as du blues, t'as de la pop, t'as de la soul, t'as du funk, t'as du hip-hop, t'as de l'électronique musique, t'as plein de trucs. Et c'est aussi un mélange de néo-soul. Néo-soul. Néo-soul, c'est ouah, tu sens déjà le nom, oula, qu'est-ce que c'est? Bah pareil, en fait, ça vient de la soul et du R&B, sauf que tu as en plus des ajouts de jazz, t'as de la pop, du fusion... Et de la musique africaine. En même temps, c'est difficile de catégoriser des musiques en vrai. C'est tellement dur. Je sais même pas en fait si c'est valable ou pas un classement de musique parce que chaque musique est unique. En fait, il y aura pas une qui se ressemble à une autre. Quoi ? Bah oui, chaque musique. Parce que je fais un classement de musique chez moi et c'est vrai que c'est dur. C'est carrément dur. Je te confirme. Elles ont tous un style unique en fait. C'est pour ça qu'il y a différentes musiques. Sinon, ça serait toujours la même. C'est ça. Donc. Mais là, ce qu'on entend, ça a l'air très différent de ce qu'elle fait d'habitude. C'est quelle chanson celle-là ? Alors, celle-là, je connais. The Light. The Light ? Ouais. C'est un peu plus. Explosé. Ah oui, j'aime c'est comment. J'adore. Tu fais super bien, on va t'enregistrer juste pour ça. Regarde, même nous, on n'arrive pas à le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, si, je vois ce que tu veux dire. Ça fait des petites explosions. Mais celle-là, je crois que c'est dans son nouvel album, c'est pour ça que je suis étonnée. C'est Reason. Ah, mais c'est dans l'album Reason, c'est pour ça, voilà. Ok. Qui n'est pas celui que tu présentes, bien évidemment. Non, c'est donc pour finir avec ce premier album. Donc dedans, on peut trouver des thèmes très sympas, notamment l'acceptation de soi et la recherche du bonheur. C'est pour ça que je vous disais que j'ai vraiment grandi avec cette artiste parce que genre vraiment elle apporte beaucoup de valeur et beaucoup de motivation et de confiance en soi en fait. Genre par exemple, tu prends moi je sais qu'il y a des paroles qui m'ont énormément marqué. Genre, par exemple, tu prends Crazy Vibes, il y a une phrase qui m'a marqué de ouf. Oui, je sais, c'est bientôt l'heure, j'ai quasiment fini. Il faut pas dire au micro, c'est le signe. Je sais, c'est le signe, ouais, c'est discret. On se fait un signe, tu vas bientôt dépasser. C'est ça, on se tape. Non, t'as dépassé. J'ai dépassé. On se fait un signe, j'ai quasiment fini. Comme si on avait une montre, genre, il est quelle heure. Enfin, voilà. Comme ça, on se tape sur l'avant-bras pour dire. Eh, faut, ah, parce qu'il faut dire qu'on a tendance à dépasser un peu. Oui, mais écoute, on est que 4, alors j'en profite. Voilà. T'inquiète, on est large. Donc bon, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. En gros. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Changement de musique. Continue. Oh, elle est trop bien, ça. Bon, bref. Par exemple, ça vient de cette musique, justement. En gros, elle dit « I don't know what it's like to feel safe all the time ». En gros, ça veut dire « Je ne sais pas ce que c'est que de se sentir en sécurité constamment ». Et cette phrase m'a tellement marquée. Où t'as aussi le début de la chanson. En gros, elle dit qu'avant, elle n'aimait pas la musique, mais qu'elle a grandi avec elle. Et en fait, que c'est grâce à elle qu'elle vit et qu'elle survit, en fait. Et j'ai vraiment grandi avec cette chanson et ça me... Je m'identifie tellement à cette chanson parce que, alors, contrairement à elle, j'ai toujours adoré la musique, mais. Hein ? Mais oui, hein ? Quoi ? Tu n'as pas compris ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle aime pas la musique ? Non. Non, dans sa chanson, au début, elle dit que quand elle était petite, elle n'aimait pas la musique. Ah ouais, parce que... Mais qu'après, elle a fini par grandir avec et à se sentir. Vivre par elle, quoi. J'ai du mal à imaginer un musicien qui aimerait pas la musique. Ouais, bah non, mais au début, tu peux ne pas aimer la musique. Ouais, je sais pas, c'est étonnant, mais. Je crois pas que ça existe, parce que si t'es musicien, tu peux arrêter. Non, mais tu peux en être dégoûté, enfin, tu peux. Oui, tu peux au départ. Ça, je suis d'accord. Pas, aimer, oui, bah au début, oui. Tu vois, là c'était ouais, ça. Ouais, d'accord. Justement, ça me faisait bizarre. Hein. C'est parce que tu peux l'appliquer à la boulangerie, tu vois, t'es boulanger, mais t'as envie d'arrêter la boulangerie, voilà. Mais t'es obligé de continuer parce que c'est un travail tout à fait normal, voilà. Alors que la musique, c'est un domaine artistique, donc en fait, si t'as envie d'arrêter, t'arrêtes, en théorie. Bah oui, mais non, parce que je veux dire, par exemple, moi je suis dans le cinéma, et écoute, si un jour je suis dégoûté du cinéma, je me dis, oui, mais c'est mon boulot, donc faut bien que je continue, tu vois. C'est la même chose. Tu feras de la chanson. Tu sais qu'on peut toujours faire la métier. Hein. Oui, on peut changer. Bah, c'est pour ça, quand tu dis faire la boulangerie, bah non, tu peux toujours faire autre chose, quoi. Oui. Faut savoir être pas mal, bon point. C'est parfait. Ok, un partout. Bah, si je peux faire l'entre-deux, c'est qu'aujourd'hui on a juste besoin de polyvalence. Ouais, mais ils vont pas nous payer quand même pour la polyvalence. Ils vont te payer comme un seul mec et il faut que tu sois polyvalent. Oui. C'est ça. C'est ça l'arnaque. Mais bon. Je finis le petit point culture. Je finis avec une dernière phrase de la chanson This World. En fait, cette chanson elle est trop bien. Genre, elle dit This world is dark. This world ain't simple, donc en gros ça veut dire ce monde est noir, ce monde n'est pas simple. But I'm strong, I know how to get out. En gros, mais je suis forte et je sais comment m'en sortir. Et cette chanson, pareil, je la trouve tellement motivante. Je l'adore, vraiment. Qu'est-ce qui te fait rire, Teddy ? Qu'est-ce que tu as à rigoler ? J'ai entendu un ting de Messenger. Je rigole pas vraiment, mais je trouve ça très beau. En fait, j'ai reçu un message du producteur. Producteur de Yann, Théo. Oui, Théo. C'est Théo à la radio. Il m'a marqué un petit message. Effectivement, Anna est magique. Waouh. Mais non. Mot pour mot. Oh là là. Tu vois, ta voix est magique. Oh là là. Tu vois, j'ai le flair pour sentir les talents. C'est pas au point de c'est la soupe, malheureusement. Figure-toi que c'est trop pour le jingle, tu feras peut-être mieux qu'elle, hein, ça va. Je ne crois pas. Qui sait, on se fera un petit duo, ça te va ? Un petit feat. Peut-être que pour chanter, elle est meilleure que toi, mais si ça se trouve, ta voix à la radio passe mieux. C'est possible. Approuvé. Approuvé, on verra bien. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Elle voit vachement cristalline, c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Cristalline ou suave ? Cristalline. Si on va devenir une émission de radio chiant. Non mais attends, on va juste lui donner un texte à lire, c'est tout. On va écouter. Mais je sais ce que tu devrais faire. Vraiment, tu sais, à la radio, par exemple, genre tu prends un plan large ou le temps des philosophes, je sais plus comment ça s'appelle cette émission. Et des fois, ils lisent des textes. Vraiment, tu devrais faire ça. C'est une personne qui lit un livre ou un. Ouais, qui est en général, ils parlent de philosophes, donc ils lisent des extraits, tu vois. Très bonne émission d'ailleurs. D'ailleurs. On va en parler plus tard au niveau de la relance, qui se fera juste après la musique d'ailleurs. On va parler un peu de toi, de savoir qui tu es, et plein de choses. Légèrement, vaguement, en deux minutes. Voilà. Si ça vous intéresse. Bah ouais, je pense que ça intéresse tout le monde ici, n'est-ce pas ? Bah carrément. Toujours. Ouais, ils ont l'air vachement... Non, d'accord. C'est que je suis concentré. Quel entrain. Oui. Excuse-moi Anna. Nous sommes... J'attends ta présentation avec impatience. Et on va la voir tout de suite après Orphans de Musi. Peck Avengers sur Indestar, c'est mieux que le manga Blue Dragon. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. Exactement, les Peck Avengers sur Indestar, qui n'ont toujours pas vu Blue Dragon, j'imagine. Toujours personne qui pourra nous en parler. Un jour peut-être, parce que. J'irai peut-être lire le manga, allez. S'il y a des scans sur internet, vu que j'ai la peine de payer. Tu vas te renseigner sur ce fameux jingle, parce que pour dire que c'est mieux que Blue Dragon, faudrait qu'on sache que c'est Blue Mais Dragon. Mais je pense que la voix qui fait ces jingles, dont je me souviens plus le nom. Sandra, oui. Sandra. Merci. Des big ups d'ailleurs. À qui on fait des gros bisous. Elle a sûrement pris sa référence en tant qu'ancienne, si je puis dire. Tu vois, plus de 30 ans comme Théo, notre chef. Ah, mais je crois pas que c'est elle qui les écrit, les jingles. Ah, bah c'est peut-être Théo qui a des mauvaises rêves, du coup. Bon, en même temps, il a dit que c'est mieux que les visiteurs en Amérique. Ouais. Il a pas tort. Il a pas tort. Moi, c'est mieux qu'Aladin. Il a pas tort. Il y avait aussi. C'est mieux que. Camping 2. Oui, Camping 2. Je l'ai pas passé encore. Que le jeu Superman, le jeu E.T. Le jeu E.T., voilà, c'est ça. Blue Dragon, du coup. Dont Gaëlan avait pensé nous parler, je crois. Je crois qu'il y a aussi les bronzés font du ski ou un truc comme ça. Non. Alors ça, non. C'est pas mieux, Peck Avenger, que les bronzés font du ski. On est au coude à coude. C'est différent. C'est pas dans le même genre. Et les tuches. Non, alors, ça, oui, ouais. Alors ça oui, on est bien meilleur. Ah voilà, large. Ouais, hey, n'empêche. Et tu sais ce qui est meilleur que les tuches? Vas-y, transition foireuse. Vas-y, réponds-moi. Ajin. Ouais. Ouais. Ouais. T'étais pas obligé de dire oui, mais. Voilà. Ajin, le manga que je vais vous présenter, est mieux que les tuches, normalement. En tout cas, il est plus instructif et plus intéressant, mais bon. C'est sorti en 2016 sur Netflix, en français évidemment. Là, je vous parle de l'animé, évidemment, parce que faut que je précise animé manga, sinon je me fais taper sur les doigts. Bah non, mais non, mais c'est mieux, c'est mieux quand même. Ouais. Mais bon, moi, je vais vous parler de l'animé. Donc, il y a 26 épisodes. La voix japonaise du héros principal qui s'appelle Kei Nagai, il s'appelle Mamoru Miyano. Oh, putain, personne ne le connaît. Ouais. Mais attendez, je me suis entraîné à le dire, hein, donc attention. Mais bon, pour ceux qui connaissent, il a fait aussi Sean Frost. De Inazuma Eleven. Je connais pas, c'est bizarre, ça que t'as dit. Non, j'ai dit, je connais, justement. Tu connais Sean Frost? Bah oui. Tu connais Inazuma Eleven? Bah quand même. T'en as parlé, oh, c'est génial. En plus, t'en as parlé il y a pas longtemps. Ouais, ouais, bah je savais pas si vous avez retenu. Bah si, on a retenu. Bah, écoute, ouais, on t'écoute. Hein. Mais c'est bien en fait. À la fin, je suis écouté. Il est étonné. Ouais. Et il a fait aussi la voix de Light Yagami dans Death Note. Light, ok, parce que Niagami, mais Light, oui, je connais. Ok. Yagami. Voilà. Le gars s'appelle Lumière quand même. Ouais, j'avoue, c'est un peu. Pour le coup, il fait une Mathilde. Voilà. Voilà. Ah, parce que tu t'appelles Melon, toi. Je sais pas. Mathilde Melon, si vous cherchez. Marguerite, est-ce que tu as suivi la blague de tout à l'heure, Ismaël? Non, je l'ai pas compris, mais je voulais pas l'avouer. Je te la réexplique si tu veux, y a pas de soucis. Hors de question. À la fin, si on va laisser parler. On arrête avec les melons. On parle pas de fruits, en fait. On parle de steak. Ah, oh, exactement. On parle ni d'ego ni de fruits, on parle de transition. Ajin. Voilà, merci. J'étais même pas là. Donc, on était sur Mamoru Miyano. Il a fait la voix de Sean Frost, de Light Yamagami. Et il a aussi gagné un Seiyuu Awards. C'est quoi? C'est quoi? C'est parce qu'elle a chanté, non? Non, meilleure voix principale. Oh, ah. Nice. C'est, je sais pas, un concours, on appelle ça. Enfin, une remise de prix. Remise de prix. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un award, quoi. Il l'a gagné, donc ça pèse dans le game, mine de rien. Et puis, c'est pas des petites voix. Hein. Pour moi, Light Yamagami des Death Note, il a quand même été récompensé plusieurs fois. Ajin, il est pas mal, quand même. Quelqu'un a vu Ajin? Oui. Non. J'ai vu des extrêmes. Il est sur Netflix ou pas? Ouais, il est sur Netflix. Ouais. Il est même exclu Netflix d'ailleurs, si je me trompe pas. Fallait écouter, il l'a dit au début que c'était sur Netflix, ça va, bravo. C'est écrit là en gros, mais c'est pas grave. Et en plus, là, que c'est écrit en gros. Il y a aussi la voix du méchant. Le méchant, il s'appelle Sato, a été fait par Yoshitada Otsuka. Ok. Son pseudo, on s'en fout. Ok. Ouais, mais attendez, il a des accents sur trois lettres. Ah ouais, ça fait Ochu Otsuka, mais je sais pas comment on les prononce, moi. Ochu Otsuka, je pense. Hein. Je suis même pas sûr que t'aies besoin de les dire. Les je accents, pense pas que ça change rien. Quelque chose. En fait, les accents, ça dépend ce qu'il y a dessus, si c'est des. Non, c'est un. C'est environ. Plus lentement. Plus long, en fait. Donc, Ochu. Ochu Otsuka. Pas aussi exagéré, mais en gros, oui, comme ça. D'accord. Okay. Et ben, figurez-vous que lui, ce mec, il a pas fait que la voix de Sato, il a fait aussi. C'est la voix officielle de Jean-Claude Van Damme au Japon. Mais non. Quoi si. Le délire. Et de Gary Oldman aussi. Est-ce qu'on a des extraits de sa voix en version japonaise? Ah, dommage. Oh, ce serait ça. Là, tu, bah, ouais, tu regardes. Attends, il a fait quoi Il a fait quoi comme film Comment il s'appelle? Jean-Claude Van Damme. Dites-moi un film plein. Comme ça. Rambo. Tu l'écoutes en... Non mais bah, il a fait Terminator. Eh ben tu l'écoutes en japonais, tu verras ce que ça donne. Ah non, j'entends tout. Tous les coups sont permis apparemment. Hein? Tous les coups. Non, Joachim nous dit tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Bloodsport. Bloodsport. Ouais. D'accord. Déjà, en vrai, je connais pas tout ça. T'as une meilleure culture que moi, je vais. V comme Vendetta. C'en est un, ça. Ah, oui. Il a pas fait V pour Vendetta. Hein. Non. Vandamme, pas du tout. Absolument pas. Bah, c'est qui alors? J'en sais rien, mais c'est pas Jean-Claude, c'est sûr. Ah, bah, c'est certainement pas. C'est Jean-Michel Vandamme. Raté. Ah, Bloodsport. Ah, j'avais pas du tout compris. Ok, j'avais compris Bloodsport. Oui, moi aussi. Bon, c'est pas grave. Grosso modo, c'est la voix, le méchant, il a la voix officielle de Jean-Claude Van Damme. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu ce que ça pourrait donner. Ça doit être très drôle. Ouais, mais franchement, en français, elle est pas mal en vrai, en français, ouais. Mais en japonais, je sais pas, ça me donne envie d'essayer de voir. Bouge pas, je vais aller chercher. Alors, pour le petit teasing, en attendant que tu cherches, évidemment. Après s'être fait renverser par un camion, notre héros, Kenagai, jeune étudiant en médecine, découvre qu'il est un Ajin. Donc c'est un être vivant qui est immortel. C'est cool. Enfin. Non, c'est... Les Ajin étant considérés comme des monstres immortels depuis... Puis comme des spécimens précieux pour le progrès de l'humanité. Parce que grosso modo, bah en fait, des monstres, parce que bah tu peux pas les tuer. Donc forcément, ils sont vus assez mal. Et puis après, ils se sont dit, mais attends, ça peut être intéressant pour faire des expériences là-dessus. Comme tester des nouvelles armes. Dans Ajin, ils testent des nouvelles armes sur les Ajin. Assez sympathique. Oh non, c'est monstrueux quand même, quand on y pense, ça manque d'humanité. Ouais, mais comment on les reconnaît ces agines? Est-ce qu'il y a un truc particulier Quand tu les butes. Parce qu'ils reviennent. Non, en fait, tout simplement, ouais, déjà, si t'as un accident en public et que tu te régénères, en fait l'agine, quand il va mourir, imaginons, il se prend une balle en pleine tête. Voilà. C'est pas très courant ça quand même. Non. Sauf quand tu chasses le agine. Enfin, oui. Pour le coup, c'est normal. Oui. Mais non, par exemple, là, lui, il s'est fait renverser par un camion. Il était censé mourir. Mais en fait, il n'est pas mort. Il y a eu un phénomène autour de lui, des petits points noirs en fait, qui apparaissent. Ça l'englobe, en fait, ça fait un voile. Et puis après, paf, il est debout comme si de rien n'était. Il n'a aucune blessure ni rien. Voilà. Donc en gros, il a ressuscité, entre guillemets. Et bah, ça, en fait, les gens, ils l'ont vu en public. Enfin, ça lui est arrivé en public. Et du coup, ils l'ont vu. Et ils savent ce que c'est un agine de base. Ils savent que les agines existent. Et là, ils ont tout de suite compris, ah ouais, ça c'est un Ajin. Il se remet comme ça, normal, de ses blessures, c'est pas normal. Ouais. Tricard. Ouais, c'est ça. Et du coup, les Ajins sont assez mal vus. Du coup, ils savent qui c'était. En plus, il avait des camarades de classe avec lui. Du coup, il a été fiché. Et du coup, il y avait sa tête après. Ah oui. Sa tête était affichée partout au Japon. Il était recherché. Voilà. Et bah, il a fui. Il a fui. Il a été se cacher. Au début, c'est un jeune ado, en fait. Il est traqué, il est apeuré. Il essaie de se cacher... Ça, c'est dans la saison 1 à peu près. Puis dans la saison 2, tu le vois beaucoup plus adulte, réfléchi, assez noir, assez sombre. En fait, je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais il a une petite rancœur un petit peu contre l'humanité. Et il va se défendre, ça veut dire. Et il va se battre pour lui. Il s'est chassé et tout. Il va... Moi, perso, je trouve ça normal. Enfin, non, pas le chasser, mais qu'il se batte en fait pour sa liberté. Oui, oui. Parce que. Ah, ils sont traités un peu comme des animaux en fait. On voit très clairement les vidéos où en fait il y a un Ajin avec un sac sur la tête. C'est des vidéos qui ont fuité du Pentagone, on va dire, un truc du genre. Ou qui testent des nouveaux prototypes d'armes sur des Ajin. Pour voir comment ça marche, quel dégât ça fait sur le corps humain. Et comme ça meurt pas, bah tu peux réessayer plein de fois. C'est cool. Sympa. Enfin, non, c'est cool. Voilà. Ouais, ouais. Sympa. Comme à tu vous, dis. T'as kiffé ces moments-là. Franchement, j'adore. T'essaies d'être un peu. Hein. Moi, un peu. Beaucoup. Il est pas que le sadique, il est psychopathe aussi. Oui, aussi. Mais bon, c'est qu'un détail, voilà. Grosso modo, bah, les humains, ils vont pas le soutenir, hein, ils ont plus apeuré des agines qu'autre chose. Ils dénoncent, en fait, s'ils voient passer quelque part. À part une personne qui est son meilleur ami, qui est un humain tout à fait ordinaire, mais bon, ils ont grandi ensemble, voilà. Il est sympa avec lui. Il va l'aider à s'enfuir dans la montagne, et puis voilà. Il y a autre chose aussi pour reconnaître les Ajin, j'ai dû penser. Ils ont un... Je sais plus comment ça s'appelle, un fantôme. Oui, un fantôme noir. Un fantôme noir, exactement. Qui contrôle la distance et qui peut tuer. Ils peuvent invoquer un fantôme noir que les humains ne voient pas. Voilà, invisible. Donc ils peuvent pas être reconnus par rapport à ça. Ouais. Non, mais... Alors, si. Parce qu'en fait, tu vois pas le fantôme. Par contre, le fantôme, lui, il peut... Il est physique. Il existe. En gros, tu le vois pas, mais tu peux pas passer à travers. Ah, okay. D'accord. Il te donne un coup, tu meurs. Okay. D'accord. Il s'en sert pour se battre, notamment contre les autres Ajin. Okay. T'as des combats de fantômes. C'est assez marrant d'ailleurs. Enfin, moi j'adore. C'est leurs fantômes qui se battent. Ouais. C'est ça, leurs fantômes qui se battent, même si les humains se battent aussi, mais... Okay. Ça fait une interaction. Combo. Double stéréo. Bah, ils se battent pas contre les fantômes, généralement, les humains, parce que... Ouais, c'est... Ils sont forts, les fantômes. Puis il y a tout un entraînement pour maîtriser son fantôme et tout. Celui de Kenagai, par exemple, il a du mal à le contrôler. Pourquoi ? Faut qu'il donne des ordres contraires au début pour... Bah, je sais pas. De quoi ? Il galère, c'est tout. Il est jeune. Ça s'apprend, c'est tout un entraînement. Mais par contre, son fantôme, il est un peu particulier à lui. Il peut le faire revenir plein de fois. Comparé aux autres Ajin, ils font venir deux, trois fois et c'est bon, ils sont épuisés, après ils peuvent plus. Alors que Kei, lui... Ouais, vas-y, il enchaîne, tranquille. T'envoies 42. C'est limite, c'est comme Naruto, il a chakra infini presque. Ouais, c'est ça. Grosso modo, il le réinvoque à chaque fois parce que ça peut mourir, un fantôme, entre guillemets. Tu transperces la tête, il meurt. Mais vu que c'est un fantôme, tu transperces. Il meurt pas. Ouais, voilà. Du coup, c'est le même qui revient, son âme. C'est ça, le même qui revient avec la même forme. En sachant qu'ils ont des formes humanoïdes, mais ils ont pas d'yeux, ils ont pas de bouche, c'est vraiment des... Il les contrôle par... Oui, c'est flippant. Des formes, quoi. C'est flippant, un peu. C'est flippant. Ouais. Et Il les contrôle par télépathie, du coup, leur fantôme. Ouais, c'est ça, grosso modo. Et encore, le sien, lui, il n'en fait qu'à sa tête, des fois, donc c'est même pas du contrôle. Il apparaît de temps en temps comme ça, et... Il fait ce qu'il veut, ouais. Il fait ce qu'il veut. Mais ils leur servent à quoi, du coup, leur fantôme? C'est des... À se défendre. Principalement à se défendre. C'est une arme un petit peu intégrée. C'est ça. En vrai, ils expliquent pas trop pourquoi les Ajin ont des fantômes. C'est pas vraiment expliqué. C'est à la fin ? Non, mais non, je l'ai vu. Non, c'est vraiment pas expliqué. Un Ajin, ça a un fantôme. Bon, ça fait comme ça, ta gueule, c'est magique. C'est tellement ça. Non, c'est pas contre toi. Non, ta gueule, non. Ta gueule, c'est magique. Pour ce que t'as dit avant. Et il y aura pas de suite de prévu ? Non. Si, c'est fini. La saga, elle est finie. Se termine au bout des 26 épisodes. Ils sont morts, les Ajin, c'est fini. Non. Yes. Non, je vous dis pas, c'est en 2016, vous pouvez le regarder, donc j'ai pas besoin de dire. Je vais regarder ça, c'est la fin. Il y a un truc à savoir par contre, c'est un aspect sombre, ça je l'ai déjà dit, c'est réalisé en 3D, l'animation. Ouais. Cool. Donc, cool, c'est à double tranche en 3D, hein, faut le savoir. Mais clairement. Faut s'y adapter, je trouve, j'ai vu pas mal. Faut s'y adapter au début. Ouais. Au début, c'est dur, on se dit, mais par rapport à d'autres mangas qu'on peut voir en version animée, c'est pas du tout pareil, c'est pas fait à la main en dessin, c'est vraiment que de l'ordinateur 100%. C'est ça. Les animations, des fois, sont un peu lentes, on a l'impression que c'est pas fluide. Ouais, c'est ça. C'est image par image. Et par contre, au bout d'un moment, tu t'y habitues, en fait, c'est super. C'est ça. Mais c'est le temps, je sais pas, que l'esprit s'adapte, un temps d'adaptation. Ton cerveau, parce que c'est nouveau, en fait. Ouais. Mais sur Ajin, la 3D est particulièrement bien réussie. Comparé à d'autres trucs, je sais pas, j'ai regardé Baki et tout ça, et encore Baki, c'est. Ça va encore, c'est pas trop mal. C'est juste qu'ils ont un peu trop de muscles. C'est un manga de combat, donc. Mais bon, voilà. La 3D est plutôt bien faite, quand même. Y a pas à chier. C'est comme tu dis, la 3D c'est un peu à double tranchant. Tu vois, bah ouais, cinéma, soit c'est bien fait, t'as voilà, vague, ça passe. T'as une vague de 3D, et puis bah maintenant c'est. T'as quoi? T'as un film, 3-4 films dans l'année qui sont en 3D, quoi, et encore. Là, j'en connais un, c'est Final Fantasy 15. Ouais. J'en parlerai plus tard dans Peck Avenger, évidemment. Vous verrez, il est en 3D, il est génial. Ok. Juste pour finir, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Quoi, t'as plus de batterie? Non, j'ai pas trouvé la voix japonaise de. Ah merde, c'est pas grave. Jean-Claude Van Damme. Je suis désolée. J'ai cherché partout, mais je ne la trouve pas. Donc écoutez, si quelqu'un la trouve sur Netflix, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un petit extrait, ça pourrait être cool. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai fini sur Ajin, à part. Si, il y a peut-être un petit truc. Juste une question. Oui. Est-ce que. Je sais pas si c'est un lien, mais ça me fait beaucoup penser à Tokyo Ghoul dans l'idée. Dans le sens où tu as une classe qui est discriminée à cause de son origine, à cause de. À la rigueur, mais dans Tokyo Ghoul, il y a beaucoup plus de diversité, puis il va rester souvent. Comment dire, là les Ajin, c'est vraiment Ajin contre humain. Okay. Alors que là dans Tokyo Ghoul, ça va être pas vraiment que les humains. Il va y avoir aussi des combats ghoul. Entre ghoul. Ouais. Même s'il va y avoir des combats Ajin contre Ajin. Voilà. Par rapport aux idéologies, mais je veux dire, les ghouls se bouffent entre elles, tu vois. Y a les... Ouais, c'est ça. On va avoir beaucoup plus de passages ghoul contre ghoul. Enfin voilà. L'espèce humaine va être mise un peu de côté quand même dans Tokyo Ghoul, si je me trompe pas. Pas vraiment. Parce que, en fait, dans Tokyo Ghoul, t'as beaucoup ce côté un peu binaire où t'as les humains contre les ghouls. Mais en même temps, les ghouls essayent. T'as beaucoup de ghouls qui essayent de s'intégrer à la société. Tu prends mal le café dans lequel c'est vrai qu'il y a je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais ils boivent du café, c'est le seul truc qu'ils peuvent boire. C'est ça, et puis ils mangent que des gens qui se sont suicidés, donc. Oui, Tu vois, il y a une volonté, mais après, c'est sympa les sujets de ce soir. Plein de boules. C'est sympa. Non, mais en plus, on n'est pas dans le glauque du tout. C'est bah, tu, au premier abord, tu l'as vu toi, Halloween, ou pas, en vrai. J'ai vu et lu et ça m'a saoulé au bout d'un moment, mais c'est vrai que c'est. Il est excellent. En fait, c'est bien. Au début, tu peux te dire quand on te raconte le truc, tu dis oula, c'est juste glauque. Ouais. Et en fait, non c'est vachement intéressant. Mais tu t'attaches au personnage et tout rapidement. Ouais, et puis même c'est en termes de psychologie, c'est super intéressant, je trouve. Comment ça s'écrit? Je connais pas du tout. Tokyo, bah comme Tokyo, et Ghoul, G H O U L. Et okay. C'est franchement vachement intéressant parce que c'est. Ouais, t'as un côté psychologique qui est super intéressant et puis même. Tu l'avais déjà présenté en Back Avenger? Non, je l'ai pas présenté mais j'en ai parlé. Ouais, je crois. De la musique? Oui, c'est parce que j'avais parlé d'une des musiques, c'est ça. Eh, mais moi, ça marche. Eh, mais moi, ça marche. D'ailleurs, en parlant de musique. Shape of You. Ah, cette transition! Ah, là là! Shape of You! Un dieu! Ed Sheeran! Ouais, Shape of You! Vous connaissez tous Shape of You? Oui. Reprise de Ed Sheeran, et là elle a été reprise par Madeleine. Mais ça sera en off, c'est dommage. Oh, nul, c'est pas drôle. C'est Madeleine Bailey qui l'a repris. Et ben on écoute ça tout de suite alors. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Camping 2. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avengers. Exactement, les Peck Avengers sur Indestar. Il est pas 21h, j'allais dire. Non, il est 22h35, on est en retard comme d'habitude. Ça ne change pas. Mais non. On a trop de choses à dire. Malgré une réunion super bien ficelée le dimanche, on respecte totalement nos horaires. Lol. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on se fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai. Je regardais Marguerite. Il était déjà paumé. Oui. Parce que Teddy me regarde en mode c'est bien toi, toi. Ouais. Et je regarde Ismaël. Eh non, c'est bien toi, Ismaël. Ouais. C'est ça. Et oui. Du coup, je vais me mettre à regarder Ismaël. Et Ismaël, bah, tu. Bah, démerde-toi. Fais ton sujet. Alors. T'en sais vachement. Bon, avant de vous parler de Luna Nera en soi, je veux qu'on se mette dans l'ambiance pour que vous puissiez voir un petit peu le contraste qu'il va y avoir entre ce que la je vais vous bande-annonce. Dire mon ressenti ouais. Et la bande d'annonce, voilà, juste avec les voix et de ce qui va se passer. Et Marguerite, t'as dit de dire le bien d'abord. Oui, voilà. J'aimerais. Bah ça, c'est attends. Le bien en fait. Ok. Donc ce qui t'a donné envie d'aller le voir. Ouais, exactement. Ok. Chaque fois que nous laissons une sorcière libre d'agir, le malin accroît son pouvoir. Surtout reste bien caché, ma petite fille. Empêchez la sorcière! Les sorcières cesseront d'exister lorsque vous cesserez de les mener au bûcher. Je ne t'ai pas fait étudier pour que tu te révoltes contre ton père. C'est elle! C'est elle! Mais quel connu. Arrêtez-vous, bande de sauvages! Adé, n'aie pas peur. Justement, nous t'attendions. Vous vous demandez sans doute qui nous sommes. Voilà, nous sommes votre famille. Parce que nous représentons pour eux le plus terrible des dangers. Nous possédons toute une force, tu sais. Il suffit de découvrir ce que c'est. Et de ne pas en avoir peur. Si nous découvrissions, ce serait fini de... Bon, je m'épose, parce que voilà. Alors, du coup, juste avant de commencer ma... critique entre guillemets sur cette série, sur deux épisodes que j'ai vu. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vous a donné comme impression, un petit peu la bande-annonce, juste comme ça, sans les images Ouais, c'est ça. Moi, en fait, là, juste l'audio, j'ai rien retenu. C'est vrai. De ce que j'ai compris, alors je connais pas du tout, je t'avoue, donc de ce que j'ai compris, ça parle de sorcières. Oui, ouais, j'ai entendu. Et sorcières. Je présume que ça se passe pendant un moment où. Est-ce que c'est dans un monde. Alors, je vais dire. Réel ? Dans le sens où, genre, est-ce que c'est régi par nos règles ou pas ? Médiéval, ça mais ça se passe genre fantasy. Dans le médiéval ou... Ouais, ça se passe dans le médiéval, c'est ça. Mmh. Un petit peu, enfin, c'est même la Renaissance, si je me trompe pas, puisque c'est dans les 1600-1700, un truc comme ça. Bah, c'est l'époque de des grandes chasses aux sorcières, un petit peu. Et cette fois, ça se passe en Italie, en fait. Ok, donc c'est un peu donc c'est du merveilleux. Okay. Ouais. Moi, j'avais une question avant même de donner mon ressenti. Tu connaissais déjà avant ou pas ? Genre c'est une première saison ou... C'est la toute première saison, okay. C'est sorti vendredi dernier, là, le 31 janvier. Pour, d'accord. Donc c'est un test, c'est italien. Et tu connais comment ? C'est un roman de base ? Ouais, c'est tiré d'un roman de base. Et en fait, j'ai connu, c'est parce que sur Netflix, je regarde beaucoup les prochaines sorties qu'ils vont faire. D'accord. Et du coup, il y a les bandes annonces généralement. Et quand je regarde ou que je lis le résumé, je me dis « Oh, ça peut être cool ». Et du coup, je me le rappelle et je regarde un ou deux. Enfin, je commence à regarder, si j'aime, jusqu'au bout, quoi. Tout simplement. Donc voilà, moi si généralement quand je vais vous parler de séries, ça va être que du Netflix. D'accord. C'est là où il y a des choses régulières et assez récentes. C'est presque la base. Voilà. Tu sais que j'ai pas Netflix, moi, il faudrait. Hein. Bah, y a plein, ouais, plein de choses. Ouais, mais toi, tu travailles à l'ESCA, du coup, tu vas voir plein de cinéma. Plein de films au cinéma. Alors, ouais. Oui, quand j'ai le temps. Et quand t'as de l'argent. T'as une liste imposée, donc t'es obligé. On a de la chance, on a une petite réduction, du coup. Ah, je dirais que je fais partie de l'ESCA. Sérieux? Bah, en même temps, on est un peu obligé d'aller voir des films. Imagine si toutes les semaines on devait payer 10 euros. On reviendrait un peu cher au bout d'un moment. Et à l'ESCA, en plus, ils ont une liste imposée de films à regarder. Ils ont une liste de plus de 200 films. Oh, plus. J'ai dit plus. Tu peux monter large. Ah, ouais, c'est beaucoup. Dans les films récents qui sortent et tout. Non, c'est juste des vieux d'ailleurs. Non, t'as plein de choses. Par exemple, au tout début de l'année, on avait une liste de. Une vingtaine de films sur les films français. T'avais Le Vieux Fusil, t'avais des vieux choses. C'est vieux. Tais-toi, L'Aventure, c'est l'aventure. C'est Le Cercle Rouge, plein de. Vieux. Ah, mais tais-toi. C'est des classiques, mon gars. Bah, c'est vieux. Mais je m'en fous, c'est des classiques. Tu vas pas avoir un Avenger. Bon, bien sûr, c'est pas. Ah non, excuse-moi, non, je vais pas dire. Non, okay. Un Avenger, c'est pas mes classiques, je suis désolée. Non, chut. Je donne mes classiques, d'accord. Donc tu te tais. Oh, tu donnes des trucs. Chacun des son. Mais. Chacun ses classiques, mon gars. Tu dis pas je n'aime pas, tu dis c'est pas mon truc. Ah, voilà. J'ai dit que j'aimais pas, j'ai dit que c'était vieux. Non, mais quand tu dis oui, bon, laisse tomber. Non, c'est pas grave. Pourquoi tu prends la tête? C'était dit, tu sais bien que. Oui, il y a des gens, ils aiment les vieux. Non, mais ça m'agace, c'est pas parce que c'est vieux que c'est mauvais, au contraire. Ça a pris de l'âge, ça a pris de en maturité. Mais c'est il a juste dit que c'était vieux, il a pas dit que c'était mauvais. Ah ouais. Bah non, mais genre juste au bout d'un moment, c'est vieux, bah oui. Et alors Bah il dit juste c'est vieux, mais d'une façon nonchalante. C'est quoi l'intérêt? C'est vieux. Non, mais c'est quoi l'intérêt de cette remarque? C'est vieux. C'est vieux. Ok, bon, on s'en fout. c'est pas constructif. Continue, vas-y, continue, Ismaël. On sent que c'est l'escalade. Alors, du coup, ton ressenti, qu'est-ce que ça t'a donné comme idée? Je veux dire, qu'est-ce que ça vous a donné? Genre, il va se passer quoi selon vous, en fait? C'est pas vieux. Alors, vous allez dire déformation professionnelle, mais je vois par rapport à la bande-annonce, j'ai l'impression que le rythme, c'est. Enfin, il y a un bon rythme dans la bande-annonce, ou perso, ça me donne assez envie, même si au bout d'un moment, bon, t'as compris l'idée, quoi. Oui. Bon, allez, vas-y, on va juste, c'est bon. Mais non, ça donne assez envie, puis moi, bon, les trucs un peu mystiques, j'aime bien. Donc, moi, je parie que c'est non, le contraire. Ça donne envie. Dans la bande-annonce, c'est rythmé, mais je te parie que dans la truc, c'est pas rythmé. Et c'est pour ça, j'allais justement, c'est ça que je voulais te demander. Non, mais c'est sûr. C'est est-ce que, genre, tu as trouvé que est-ce que la bande-annonce était mensongère, en fait? Totalement. Ok, pourquoi? Ouais, bah justement, je vais y venir après. Et bah, cool. J'ai hâte de savoir. Du coup, Anna, t'en as pensé quoi, toi, de la bande-annonce? Est-ce que t'as... déjà, ça t'a donné envie de voir? Oui, parce que j'aime beaucoup ce genre d'ambiance, mais la bande-annonce, elle en dit pas tant, en fait. Oui. Non, ça tease, en fait, c'est voilà. Plus en mode, on va parler ça, de ça, quoi. Voilà, on voit qu'il y a de l'action, mais on sait pas trop quoi, ouais. Ni comment. Voilà, c'est un peu flou. C'est un peu trop vague. Teddy, vu que tu te. Qu'est-ce que vous avez à vous marrer là? Non, je lui fais le petit signe, genre la montre, juste pour le faire chier. Et il dit oh bah non, je peux pas. Oui. Je te mordais. Jolan est trop timide, c'est bon. Tu peux oser. Bah, ce que je réponds, ça a l'air sympa, même si je l'ai pas retenu. Bon, bah, mais bon, next. L'univers médiéval. Jolan, en vrai, j'irai pas le regarder. J'irai pas le regarder, parce pourquoi que le côté mystique. C'est mystique pas ton truc. Non, c'est t'aimes pas tout ce qui est fantastique, etc. Un peu, mais quand il y a trop de vin de sorcellerie ou ce genre de truc, ça me. C'est pas ton truc. Ça me plaît pas trop. Oui, okay. T'es du côté des chasseurs de sorcières. Ouais. Alors, du coup, pour faire un petit peu le synopsis, pour résumer donc tout ça, l'histoire prend place donc au XVIIe siècle en Italie, comme je disais un peu tout à l'heure. Donc, Adé, qui est le personnage principal de la série, c'est une fille qui est apparemment normale et qui travaille comme une sage-femme et un jour va être accusée de sorcellerie pour avoir provoqué l'étouffement d'un bébé dans l'utérus. Oh, ok. Wow. Voilà. Ah, ouais. C'est chaud. Au XVIIe siècle, c'était au courant. Parce voilà qu'elle l'a réellement provoqué. Je ne dis rien. Tu ne dis rien, d'accord. La couleur, okay. Direct, du coup, elle est condamnée à mort par toute une communauté qui va lui tourner le dos. C'est-à-dire que le personnage, à la base, ils sont tous chrétiens. Ils vont à l'église, elle va à l'église et en fait, elle va demander de l'aide au père de l'église et il va lui fermer l'église sans lui répondre. Tu vois, je vais lui faire. Casse-toi. Enfin, je te parle pas. Okay. Bah, si c'est une sorcière, oui. Oui, voilà. Et donc, avant de parler critique, je tiens à dire quand même, donc je le rappelle, je n'ai vu que les deux premiers épisodes, donc je n'ai pas vu la série en entière, j'ai pas voulu parce que ça m'a trop dégoûté malheureusement. Donc peut-être que la suite est bien. Peut-être que attention. La suite est bien, je ne saurais pas, et j'ai pas envie de voir la suite parce que ça m'a pas du tout donné envie. Et que voilà, ça, franchement, ça m'a suffi pour dire stop. Petite précision, ce n'est pas parce qu'on parle des deux premiers épisodes et que tu ne les as pas aimés, ça se trouve, d'autres gens vont les aimer. Oui, voilà. Donc, je sais bien que c'est ma critique à moi, c'est moi ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai ressenti. Sur allez les incohérences. Voilà, faut que vous regardiez. Que de toute façon, ce que je pouvoir me dire, Ismaël, t'es con, t'aurais dû continuer parce qu'après, ça devient cohérent. C'est ça. Le début, OZF, ok, c'est deux épisodes sur six, c'est pas grave. Ça se trouve, genre, après, t'aurais été en mode, mais c'est génial. Ouais. Je sais pas parce que je me suis afin de faire ma critique, je me suis quand même penché sur les critiques que les gens ou les reviews ont pu me laisser, enfin les commentaires tout simplement. Et en fait, ça se rejoint. Pas très haut. Ouais, on est sur une note de 6 sur 10 à peu près. C'est pas trop mal déjà. C'est pas trop mal, ça reste cohérent. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de notes. C'est sur, genre 500 personnes, tu vois. Ah ouais. Ah oui. Donc on aura plus. Elle est sortie récemment ? Oui, ouais, le 31 janvier. Ah oui. Donc ça va faire une semaine à peine. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de reviews encore. Donc, pour commencer un petit peu directement dans les programmes, donc que vaut réellement cette série, selon moi, italienne ? Déjà, on commence avec un sérieux problème de script. D'accord. Pourquoi ? Alors, je suis pas professionnel, mais en gros, il y a un manque évident de transition déjà entre les scènes. Ouais. C'est-à-dire que ça c'est vraiment un claquement de doigts, tu sais pas pourquoi ni comment. T'as pas, c'est pas des transitions claires qui permettent de bien suivre l'histoire en fait. Ok, c'est l'histoire ou c'est le montage ? Ouais, c'est le montage. Les deux. L'histoire et le montage. Il y a des grosses incohérences dans les deux cas. Et aussi les relations des personnages, c'est stupéfiant. Je vais vous donner des exemples. Je vais en prendre deux tout simplement. Il y a la relation de Ad avec Persepolis. Donc Persepolis est un personnage secondaire de la série. Mmh. C'est une réfugiée qui n'est pas exactement une sorcière. C'est une petite, ancienne voleuse. Elle a été recueillie par les sorcières. Et quand Ad va aller rejoindre les sorcières, en fait, dans les premiers épisodes, elle va faire cette rencontre avec Persepolis qui, vont se prendre un peu la tête parce que Persepolis va lui voler son pendentif qui lui sert à entrer dans la cité, mais Persepolis n'en a jamais eu alors qu'elle, ça fait des années qu'elle est chez les sorcières. Et elle est, en fait, elle est jalouse. Donc les deux se vouent une haine profonde. Genre quand tu vois la scène, c'est vraiment à s'arracher les cheveux, c'est violent quoi. Et deux scènes après, environ, je sais plus exactement, avant entre guillemets être obligé de se faire la paix, tu vois, les sorcières les obligent en fait à travailler ensemble. Et là, ça y est, c'est les meilleurs amis du monde. C'est même les non mais je déconne pas, c'est les meilleurs amis du monde. Genre l'autre, Persepolis, elle va laver les cheveux de Adé pendant qu'elle prend son bain. Et elle va se dire des secrets, donc okay. Tout à fait normal. On peut comprendre jusqu'à là. Et puis après, elle va la couvrir auprès des autres sorcières, genre comme ça, dès qu'elle fait une connerie. T'es là, mais il y a deux secondes, tu l'aimais pas, et genre là, c'est ta meilleure amie, bisous pour la vie, quoi. Ouais, mais il y a deux secondes, elle se connaissait pas aussi, parce que tu dis qu'il y a une haine grosse, mais elle se connaissait pas spécialement trop avant non plus. Non, elle se connaissait pas non plus, mais c'est trop rapide comme évolution, je veux dire, tu changes pas, genre c'est comme si un jour je rencontrais quelqu'un que j'aime pas, et puis on parle deux minutes, oh c'est mon best friend forever, tu vois. Ouais, mais t'as le droit au doute. Parce que du coup, vu que tu la connaissais pas spécialement, t'as le droit de te dire, ah putain, c'est une saloperie cette personne, et au final, ah mais c'est vachement rapide quand même dans un scénario en général. C'est dans un seul et même épisode en fait. Oui, je suis d'accord. Au niveau du scénario, t'es obligé d'amener un peu le changement. Enfin, je veux dire, ça. Même si oui, finalement tu béliens. En fait, je me suis trompé, machin. Tu vas pas accorder toute ta confiance à la personne. En cinéma, ça marche pas ça. Oui, puis c'est même pas ça. C'est que c'est pas très réaliste, quoi. Bah c'est ça, genre. Après, je sais pas. Enfin, j'ai pas vu, donc je sais pas comment c'est amené. Mais dans l'idée, ouais, c'est. Bah, on va dire qu'elle la rencontre déjà une première fois sans qu'elle soit avec les sorcières. C'est la Persepolis qui vient la voir, qui lui fait tu devrais t'en aller. Voilà, une pseudo-rencontre neutre. Voilà, les deux personnages ne se parlent pas plus que ça. Après, elle se rend la deuxième fois où tu les vois ensemble, elle se tape sur la gueule en gros. Yes. Donc, t'es là. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, et après, on t'apprend qu'elle a volé le machin truc, etc. Donc, les deux sont punis. Et deux scènes après, limite, c'est comme si elles allaient faire l'amour ensemble. Parce que c'est. Non, mais dans le jeu d'acteur. Non, mais c'est vrai, dans le jeu d'acteur, quand tu vois la scène du bain. T'as l'impression qu'elles vont se faire des bisous, tu vois, que ça va partir, et tu dis, oh, ok. Cool. Tu dis, en fait, il y a l'attirance du corps, voilà, ouais. Du sexe, ok, ça passe du coup. Mais en fait, l'amour pas du tout. Mais en fait, non. Comment ? L'amour et la haine. Ou alors, peut-être que c'était ça, enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça. Après, t'as des films comme ça où au début, tu sais, tu prends le slapstick par exemple, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Slapstick comédie, en fait, c'est un type de comédie qui date un peu maintenant. Et en fait, au départ, t'as deux personnages qui, en général, un homme et une femme, qui vraiment se détestent. Ouais. Tu vois, limite, pendant tout le film, en fait, ils se font. Ils se tapent sur la gueule. Oui. Et à la fin, ils finissent ensemble, tu vois. Ça tout peut... à fait normal. Mais là, ils finissent pas ensemble, tu vois, c'est juste des best friends, quoi. Ah, c'est dommage. Voilà, c'est. Tu vois, j'avais deux épisodes. Bah. Ça se trouve, dans le troisième, ça y est. Hein. Peut-être. Non, que... c'est du Game of Thrones, genre. C'est ça, vas-y, allez, ça, il va. Ça, c'est une des premières incohérences. La deuxième, j'y reviens, c'est avec un deuxième personnage. Donc, toujours Ad, qui est le personnage principal. Et cette fois-ci, Pietro, qui est le second personnage principal et qui va être son amoureux. Alors, faut savoir que. Il se salue une première fois, il se parle tout à fait normalement. Et il lui donne rendez-vous à une fontaine. Et quand il se revoit. C'est l'amour éternel. Deux scènes après aussi, à peu près, dans le même épisode. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, soit il y a un gros manque d'explication entre le rapport temporel de chaque scène. Ils auraient pas coupé des scènes ? Est-ce qu'ils auraient pas coupé des scènes ? Ouais. Et c'est aussi ce que je me suis posé comme question. Parce que, en fait, tu comprends plus rien. Tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La meuf, elle lui a parlé. Ils sont parlé neutre. Et après, quand elle parle avec justement Persepolis de Pietro et que Persepolis va la cacher par rapport au fait qu'elle va aller voir Pietro à la fontaine, a dit c'est l'amour éternel avec Pietro. Elle ne le connaît pas, elle lui a parlé une fois, c'était salut, le gars s'est cassé la gueule, elle est partie. Yes. Voilà, donc ça c'est déjà les grosses incohérences sur deux épisodes. Et, ça c'est... fait un peu, dans le genre, ça fait un peu c'est les séries pour adolescentes. Bah c'est très teenage. Et c'est pareil, ouais. Sur la série sur Netflix, elle est 16+. Et généralement, sur du 16+, on est comme sur The Witcher. Des choses, voilà, c'est sanglant, féroce, il y a même du sexe, voilà, c'est très dénudé. Là, on est sur quelque chose de très épuré. Alors, j'ai pas compris pourquoi c'est du 16+. Ou alors, après, ça c'est peut-être totalement après, ouais, couille, ouais, et ce qui fait que c'est encore plus What the fuck Italie, ouais, What the ça fuck. Ça vaut peut-être le coup de regarder, tu sais, pour. Pour le prévu, What the fuck. Ouais, on a prévu de faire une émission pour la dernière nul. D'Epic Avenger, non, la spéciale nulle, effectivement, où en gros, on présentera le truc qu'on déteste le plus dans les jeux vidéo. C'est pas le truc qu'on déteste le plus, mais un truc qu'on aime pas, quoi. Qu'on trouve. J'aime bien l'idée, en vrai. Et si, c'est ça se trouve, c'est ça que tu nous présenteras pour les nuls. Mais peut-être que ça sera à voir pour rigoler et se moquer de la série. Mais dans ce cas, faudra que tu vois tout. Ouais, ouais, bah je vais peut-être me forcer, mais 45 minutes à 51 minutes un épisode, c'est quand même. Ah ouais, c'est bon. Tu vois, quoi, je me suis dit, j'ai perdu quasiment 2 heures comme ça, j'étais là. Non. J'ai perdu 2 heures de ma vie. Ouais, mais donc pour expliquer un petit peu quand même, c'est que pour nous, les téléspectateurs, quand on regarde ça, quand on voit les images, pour nous, tout ça se passe dans la même journée. Ah ouais, c'est bizarre. Voilà, et en fait, il y a eu plusieurs jours où on nous dit, voilà, un mois plus tard, ok, il n'y a pas de soucis, mais là, on c'est la même journée. L'un à l'autre. Wow. C'est super rapide en fait, ça enchaîne. Okay. Et aussi, ce qui fait que j'ai arrêté des épisodes 2, c'est la façon très théâtrale qu'a cette série de faire les scènes. C'est très, très, très théâtral. C'est très surjoué. C'est même pas surjoué, c'est... Enfin, il y a du surjoué, il y a du fade en même temps, c'est très étrange. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, comme les scènes où d'un seul coup t'as l'impression qu'il va y avoir quelque chose entre deux personnages, en fait c'est censé être une scène neutre où il se passe pas grand chose. D'accord. Tu vois, c'est il y a des jeux, le jeu d'acteur est pas très fidèle en fait à la narration et comment est présentée la scène. D'accord. C'est assez étrange. Voilà, on a aussi la pauvreté des chorégraphies, des batailles qui sont livrées, c'est monstrueux. Honnêtement, tu regardes The Witcher, tu regardes une vraie série de batailles bien faite et bien chorégraphiée, c'est stylé. Là, tu vois que les gars, ils font boum boum avec leurs épées et ouais, la scène, elle est finie. The Witcher, il y a quand même des défauts au niveau des combats. Sûrement, mais attention, mais je veux dire, t'as quand même une certaine qualité. Là, c'est... Il y a une qualité, on va dire, dans la chorégraphie physique, mais The Witcher, ce problème, c'est ça, que c'est un gros reproche qui a été fait sur la série. The Witcher, ce n'est pas un combat d'épée uniquement. Oui. C'est ça le problème. Il a de la magie de base. Il se bat aussi avec sa magie qu'on démontre. Là, tu vois que le mec faire épée. Allez, une petite flamme, basta. Et ça, deux fois, je crois, et c'est tout. C'est vrai. Et bah, c'est un gros manque. Là, c'est la même chose. On est censé être avec une sorcière qui a des pouvoirs, du coup. Bah, parce que c'est le cas dans la série. On voit de la magie, etc. Elles combattent toutes à l'épée. Donc, et déjà, les effets spéciaux sont très peu présents quand il y a de la magie. C'est vraiment un tout petit cadre sur la. Ça doit être le manque de budget. Ça doit être comme pour The Witcher aussi. Tu vois, ils ont pas pu mettre trop de magie. Ils se sont dit, allez, vas-y, il a une épée, vas-y, il combat qu'avec son épée, et puis basta. Ouais. C'est le cas dans beaucoup de séries. Et du coup, ça démontre, à travers tout ce que j'ai pu voir et ce que j'ai souligné, quand même qu'il y a très peu de niveau dans la réalisation de cette série, qui était pourtant dans la bande-annonce pour moi très prometteuse. C'est avec dans la bande-annonce des super effets. J'ai pas retenu, je t'avoue, je l'ai même pas noté. Il y a que les membres de l'escadre pour regarder qui réalise quelque chose. Je regarderai aussi. Et du coup, pour finir, à la base, cette série, en fait, devait être en principe être une justification féministe, donc une hymne quand même à la liberté et à la diversité des femmes, et une ode à leur super puissance réelle et métaphorique, mais qui donc a perdu toute son énergie en fait dans l'explication, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'explications. D'accord. Beaucoup de blabla, beaucoup de scènes théâtrales et de choses peu cohérentes, et en fait ça fait une bouillie, il n'y a rien de tout ça qui ressort. C'est ça qui est dommage, parce que t'étais là, c'est vrai que dans la bande-annonce, c'est très la femme, voilà, c'est les sorcières, s'il n'y a pas de sorciers. Il y a quasiment que des personnages. Il y a beaucoup de personnages féminins, ouais. Il y a, je dirais sur une vingtaine de personnages qu'on va voir assez rapidement, il y a peut-être 5 gars, ouais, à peu près, c'est assez peu. Ah, c'est pas masse. Et du coup, avec tout ça, forcément, on peut pas transmettre la force des femmes, ce qui est dommage. Et surtout, c'est que c'est des dialogues bourrés de paille et un regard vide. Donc je le conseille vraiment pas. Okay. Pour moi, cette série, c'est un échec, en tout cas sur les deux premiers épisodes. Je précise que c'est seulement les deux premiers épisodes que j'ai vus. Si vous aimez les séries où on pose son cerveau et on se détend, c'est fait pour vous, ça je dirais pas le contraire. Moi, là-bas, je voulais pas une série où je pose mon cerveau et où je me détends avec toutes les promesses qui avaient été faites. Et voilà, donc pour moi, si je devais la noter, je vous mets un 3 sur 10, point barre. Ah ouais, parce que c'est sévère. Non, mais c'est vraiment pauvre, y a rien pour moi sur les, en tout cas, les deux premiers épisodes. Après, si je vois la suite et que D'un seul coup, ils se mettent à avoir du budget miraculeusement. Je sais pas, mais. Effets spéciaux, flamme. Ils changent les acteurs et le jeu d'acteur aussi. Ok, c'est moins théâtral, ok. Et c'est pareil, la bande-son, je trouve que c'est pas très adapté à des moments. D'accord, alors attends, on change la bande-son, le script, les scénarios, le. Ouais, tu changes tout, quoi, ok, on garde rien et on fait autre chose. Et tu parlais de la bande-son, pourquoi elle est comment ? Alors là, dans la bande-annonce, ça se. Enfin, les. Comment dire ? La musique était bien installée au bon moment, oui. Mais t'as des moments par exemple où t'es censé être sur un truc où ça. Y a de la, tu dois être dans la. T'es pressé, tu vois, tout le monde la condamne à mort. Allez vous faire voir avec le timing. On a dit 23h à peu près. Ah, mais là tu vas finir avant 23h. En fait, à un moment, il y a Ad qui s'en va, donc qui fuit à cheval, et t'as une musique de piano super calme. En fait, ça fait pas battre ton cœur, ouais, genre t'es pas dans l'action. Pas. Ouais, c'est pas l'action. Bah, c'est incohérent en fait. Oui, mais c'est peut-être pour faire un effet, tu vois. Tu sais, sur Equidia, ils mettent des musiques douces quand il y a des chevaux. Mais des fois, les combats, tu sais, on met une musique classique pour mettre un effet grandiose. Ouais, ça peut être intéressant, mais genre. Bah, du coup, ça reste dans le théâtral. Bah, c'est vrai que ça reste dans le théâtral au final, de cette façon de faire en fait. Donc, je sais pas si c'est parce que les Italiens sont très théâtral de base. Ou très mauvais. Ou très mauvais, je sais pas, mais. Alors, non, clairement, bon, je te laisse pas dire ça parce que Enrico Morricone, par exemple, c'est un très bon compositeur. Non, Enrico Macias. Ah bah, Enrico Morricone, je vais te faire écouter, tu connais mon gars. Continue. Voilà. Vas-y. J'ai hâte d'avoir ça. Si je peux faire une comparaison, là, actuellement, ce qui est en ce moment en vogue, c'est les séries qui viennent un petit peu des pays du Nord, style Suède, Norvège, Danemark, etc. Et bah, j'ai vu Ragnarok qui est sorti en même temps. Putain, tu nous en parles à chaque émission. Il est bien, oui. Il est bien en même temps. Et j'ai vu les 6 épisodes et c'est une tuerie. J'ai montré ça à ma petite sœur et à ma mère. C'est une tuerie. Il y a vraiment, enfin, le jeu d'acteur. Pourtant, ils ont pas beaucoup d'acteurs comparé en Italie où il y a quand même beaucoup plus de choses. Bah, c'était beaucoup mieux. Les effets spéciaux 10 fois mieux et les bandes sont. Enfin, voilà. C'est si on peut comparer un petit peu. Marguerite, t'as trouvé le son que tu voulais me faire écouter de qui? Tu vas me dire que tu connais pas. C'est un truc de Boom. Ah si, quand même. Ça. Si, c'est un truc de Far West. C'est le. Eh oui, tu vas me dire que c'est... tu ne connais pas vraiment. Si, c'est un West. Ou comment? C'est un truc qu'on voit dans les films. C'est du West. C'est dans le Western Spaghetti. Tu connais forcément. Genre le bon, la brute et le truand, tu connais pas? Pourquoi spaghetti? Qu'est-ce qu'avoir les spaghettis là-dedans? La bonne, la brutasse et la truande. Ouais. Mais je connais ce film parce que c'est un film que mes parents apprécient. C'est un genre de film qui a été dénommé plus tard comme ça en fait. Les westerns, voilà. Parce que je sais même pas pourquoi spaghetti, sûrement parce que c'était trop. Non, alors non, clairement. Non, c'est trop italien. Il y avait pas de titre, c'était juste les spaghettis. J'en ai marre des fois. Non, spaghetti, mamma mia. Non, il y a spaghetti. Pourquoi spaghetti? Bah, je sais plus, mais je pense que c'est dans le. Je pense que. Il me semble que ça a été nommé après Western. D'accord. Spaghetti, mais je pense que c'était pour le côté un peu trop exagéré, tu vois, genre de. Je pense que c'était ça. Mais je veux pas. Je pense que Galen saurait mieux expliquer que moi, donc. C'est quand même quoi le rapport avec les spaghettis? Les spaghettis, c'est trop exagéré dans ta vie. Déjà, les spaghettis, c'est italien déjà. Oui, déjà. Voilà. Mais ok, ça n'explique rien. Mais bon, c'est vrai que effectivement, je t'ai dit que je ne savais pas, donc je ne peux pas te donner de réponse. Ok, ok. Un rien. De script, c'est... Non, d'accord. Mais du coup, oui, je connais ce monsieur. Pour le coup, et oui, effectivement, il a fait quelque chose de bien. Il a fait un truc bien quand il était jeune. Enfin, voilà. Je vais m'en aller. Je vais partir en fait. Vraiment. Mais t'es la plus jeune d'entre nous. Mais même, j'en ai marre. J'aime bien. Aucun, vraiment, aucun respect pour les films et pour les classiques. J'en ai marre. Ah. Non, ouais, non, mais c'est plus drôle en fait. On est que des jeunes. Ok. Et eh ben, t'auras peut-être. Moi, j'ai du respect pour ça, du coup, à la rigueur, parce que ça, c'est jeune, c'est récent. Du coup, je peux finir ma conclusion. T'as pas fini ta conclusion. Bah, comment ça, t'as pas fait ta conclusion? Bah, moi, c'est ma conclusion, et après, c'est bon. Du coup, conclusion, c'est si vous voulez, regardez, mais ne vous attendez à rien d'extraordinaire, c'est tout. Ok. En tout cas, sur les premiers épisodes, préparez-vous à dormir ou à vous fâcher. Bah, j'irai voir. Et à rigoler parce que c'est nul. Je vais regarder ce soir, il est disponible sur Netflix, t'as dit? Ouais. Ok, bah, je vais aller voir. Bah, sinon, tu télécharges, hein, on sait tous que. Ah, non, le téléchargement, illégal, c'est mal. C'est bien. Oh. Il n'y a même plus d'Adopi alors. Toi, tu vas finir à la police. On va écouter Give It Up de J.R. Stephens. PK Avengers sur Indestar, c'est mieux que le manga Devil Devil. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Les PK Avengers sur Indestar, encore une fois, en retard. Mieux que le à manga. L'heure. Quoi? On est à l'heure à peu près. À peu près. Oui, chez à nous, peu en retard, ça veut dire à l'heure. C'est ça. C'est ça. Et là, on va parler de l'artiste de la semaine. Enfin, notre première rubrique artiste de la semaine, et en plus, un grand artiste. Bon, c'est pas la première. Elia, t'avais fait la première. Et en plus, Charles a fait la deuxième la dernière fois. Ouais, bon, on l'avait pas lancé officiellement. Oui, bon, certes. C'est vrai. Mais ils avaient présenté des artistes. Oui. Et là, tu vas nous parler d'un artiste que là, tout le monde connaît pour le coup. Forcément. Même toi, tu connais, Teddy. Bah ouais. Je te regarde avec de grands yeux. Oui, c'est. mais il est pas si vieux que ça en fait. Il a quel âge? Oh, je sais pas. Moi je trouve, ouais, parce que évidemment, oui, c'est Jim Carrey. Je pense qu'il doit avoir bien dans la cinquantaine maintenant, en vrai. La cinquantaine, ouais. Oh, je pense facile. Hein. Mais. Je vais checker et vérifier. Va donc regarder Ismaël, tu vas nous dire. Ce mec-là est capable de tout faire. Ah, il est incroyable. Il a fait une interview il y a pas longtemps, je crois que c'est sur Combini. Et genre, il fait les visages, mais oui, genre, il fait le ça. Grinch, il fait un vieux, il fait. Enfin, c'est ouais. Extrêmement drôle. Il peut tout faire. Oh, et puis, si vous avez jamais vu, c'est. J'ai le mot en anglais. Mais pas en français, c'est imitations. En anglais. Non, ces imitations, genre par exemple Jack Nicholson, Clint Eastwood et tout. Vraiment, allez voir ça sur YouTube, c'est très drôle. Ma foi. T'as déjà vu? Non, non, mais tu viens de voir son âge. Il est plus proche de 60 que de 50. Il a 58. Ah ouais? Ouais. Mais il est toujours beau. Il les fait pas en vrai, bah ouais. Il les fait pas. Et puis, il est bien conservé. Voilà. Contrairement à d'autres acteurs, il a pas eu que sa carrière, enfin, sa pointe de sa carrière plus jeune, on va dire. Il continue. Il a en encore des gros succès. Alors, bon, Sonic, connu, c'est discutable. Mais... Parce qu'il est très connu et très. Bah ouais, chaque ouais, film qu'il fait de dans toute façon. Fait, ouais. Et tout le monde adore en fait ce qu'il fait. Même, Alors, attention, je vais en parler. Il n'a pas été aimé pour tous ses films. Enfin, ah. ça a pas eu le même succès auprès de l'audience. Ouais. D'accord. Parce okay. qu'en fait, il est très connu pour. Bah, justement, c'est un comédien de style slapstick. En fait, c'est genre. Plastique ? Slapstick. Ce que je vous explique. Slapstick. En fait, slapstick, c'est. Oh, je me suis trompée tout à l'heure, c'est pas du tout slapstick, c'est la screwball comedy avec l'amour-haine. Je me suis trompée, c'est pas du tout ça. Slapstick, en fait, c'est un genre très visuel, en fait, c'est un peu comme la comédia dell'arte, je sais pas si vous voyez. Très non, ça vous dit rien. Ouais, c'est très expliqué. Que des gestes et moins de paroles. C'est beaucoup de gestes, c'est beaucoup de gestes très exagérés, beaucoup de caricatures. Un petit peu moi des fois quand c'est trop fait. Ouais, je suis d'accord. Ça dépend dans quel film. Mais après là comme c'est le but, je trouve que ça passe bien. Et ouais, quand, en fait, il est très connu pour ce genre de film, et c'est pour ça qu'il a fait des comme films The un Mask. Peu plus. Comme The Mask, ouais. Par exemple, dont je vais parler. Ouais. Et il a tenté de faire. Ouais, il voulait pas rester dans le même rôle, et il a fait quelques films un peu plus. Sérieux, dramatiques, ouais. On va dire. Comme par exemple, t'as The Cable Guy. En fait, c'est du la comédie noire. C'est le titre en français, ça aussi? Non, c'est le nom en anglais. Je sais plus comment il l'appelait. Je sais plus comment c'est appelé en français. Coup, ouais. Je sais plus, enfin, vous le trouverez facilement. Et en fait, ça a pas du tout été bien accueilli par l'audience parce qu'ils l'attendaient pas dans ce genre de rôle en fait. Et, D'accord, ils ont trouvé que c'était pas du Jim Carrey quoi. Ouais, bah c'est ça en fait, ils allaient voir le film pour voir du Jim Carrey, donc voir un truc. Il drôle, a une étiquette quoi. Et il est obligé de s'y tenir parce que sinon. Bah, ça c'est un choque. Peu ça, c'est ça. Et, mais pourtant, enfin, tu vois qu'il essaye d'en sortir, il le disait lui-même. Genre par exemple, quand il a fait le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est vachement ouais. cool. Pareil ou The Truman Show que oui. normalement tout le monde connaît. Bon, celui-là par contre ça a été un gros succès, mais ouais. Tu vois qu'il essaye quand même de sortir de ce rôle là et de faire des films ouais, un peu dramatiques, un peu ouais, un peu plus mais l'aspect loufoque revient toujours et mais, la... fois... mais après t'as toujours son personnage oui enfin c'est les carré, gens donc, attendent tout... ouais voilà c'est ça c'est on ça. Attend toujours un... quelque chose genre un... je sais pas mais une réaction un truc exagéré on va dire. Je sais pas si caractère. C'est exagéré, mais c'est plus qu'il a, il a son caractère en fait. Et puis même quand il fait des films un peu dramatiques, il a, je sais pas, il a un faciès, il a des expressions qui sont bien propres à lui quoi. Oui. Enfin, tu prends même Eternal Sunshine of the Spotless Mind, t'as des moments où même c'est censé être sérieux, il fait des blagues, c'est, je sais pas, c'est trop. C'est bon. Jim Carrey quoi. C'est... Il est bon Jim Carrey. On peut être sérieux, génial. On fera ça avec les femmes. Quoi ? Sauf avec les femmes. Comment ça ? Parce que j'étais en train de lire un petit peu sa biographie, sa vie en couple, parce que moi je suis plus le gars qui fouine ça que sa biographie. Ah bah bravo. Voilà. Donc il a eu 3-4 femmes, je crois. 3 femmes. Alors il a été marié deux fois. Ça a pas oui, duré il très a été longtemps. Marié deux fois et je crois qu'il a eu deux femmes avec qui il s'est pas marié. Non, il s'est pas marié, mais après il a sorti avec plein de gens et genre la dernière avec qui il est sorti, elle s'est suicidée. Yes. Ah, ah ouais, mais c'est pas forcément de sa faute. Non, je dis pas que c'est de sa faute. D'ailleurs, il disait qu'il en avait été très affecté. Mais je suis étonné qu'il n'ait pas trouvé de compagne, tu vois, sur le long terme. Bah après, c'est la vie. Ouais, c'est vrai. De quoi ? C'est sûr que si elle se suicide, ça va être compliqué. Peut-être que c'était celle-là sur le long terme, mais. Bah, ils étaient plus ensemble. Ah. Mais genre là, en 2019, il s'est remis avec une fille, ce qu'il disait en janvier, en novembre, ils sont séparés. Ah ouais. Après, ouais, ça dépend. Ça dépend avec qui tu tombes. Ouais. T'as pas forcément de la chance en cœur, enfin en couple. Ouais. Non, je sais plus. Enfin, en bref. Et puis bon, ça peut arriver. Je sais pas si c'est son cas, mais t'as des artistes qui paraissent très sympas à l'écran et qui en fait sont pas horrible. Très cool à l'extérieur. Bah, je pense notamment à Robert Downey Jr. qui est pas si. Ah oui. Oh mais il a un passé sombre lui aussi, même en tant qu'acteur de base. Il a eu une grosse descente aussi. Après, je vous avoue que moi, la vie des people, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais bon. On a dû, par exemple. Mais des people. C'est un people, ça. C'est quoi? Un people, c'est des célébrités, c'est juste les stars. C'est. On avait regardé comme ça un documentaire à l'ESCAT sur les. Pas les pipelettes, mais les. Ceux qui. Les racontars, en gros, d'Hollywood. Ah, et t'avais deux femmes, deux journalistes. En gros, leur job, c'était vraiment de raconter tous les potins d'Hollywood. Donc, en gros, ils tenaient tout le monde par les chevilles. C'était. Ouais, c'est la presse people. C'était un enfer à regarder, vraiment. Enfin bon. Ok. Voilà. C'est un tab, ça, du coup. C'était leur job de raconter les petits commérages. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement de faire ça. Un concierge. Mais tu sais qu'en plus, c'était le pire, c'est que c'était vraiment elle qui tenait tout le monde à Hollywood. Parce que le truc, c'est que si t'avais une mauvaise pub, bah tu sortais pas dans le prochain film, quoi. Limite, t'étais virée. Genre, les actrices, par exemple, il fallait surtout pas qu'il y ait une histoire avec quelqu'un. Et du coup, tu pouvais pas faire une émission vraiment sur pas eux. Genre de personnalité, quoi. De quoi? Sur ces filles-là, en gros, c'est d'autres filles font la même chose sur ces filles-là. C'est-à-dire? Je sais pas, les critiquer. Les critiquer. Enfin, raconter leurs potins, des filles qui racontent les potins. Ah, bah justement, non, tu disais au contraire, tu les couvrais, qu'elles étaient couvertes de cadeaux, machin. Enfin, au contraire, fallait surtout rien dire, fallait être leur meilleure amie et tout. C'est des dictateurs. Parce que. C'était vraiment ça. Genre, t'en as une d'ailleurs qui s'est fait. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Ah oui, c'était. C'était fait mettre un coup de cul, de pied au cul. Vraiment, littéralement. Un coup de cul au pied. Non, ouais. L'inverse. Un coup de pied au cul, ok. Tiens, je te donne un coup de pied sur ton pied. Il y a eu vraiment des représailles de la part d'acteurs, mais ça peut se comprendre. Tu m'étonnes. D'accord. Bon, on va revenir à Jim Carrey peut-être. Ouais, il est plus intéressant que ces deux filles. J'aurais quand même des anecdotes, vous en faites pas, avec Jim Carrey. Bon, pas sur sa vie privée, mais des trucs un peu marrants. Ouais. Donc, d'abord, est-ce que vous avez une idée de son vrai nom? En vrai, ça va, c'est pas ridicule, ni rien. Jim. James. Eh, on est bien. Ouais, c'est James Eugene Carrey. Faites péter le champagne. Ouais, bah si c'est James, c'est cool. Je suis trop fort. En fait, j'étais très fort. Et donc, il est né en 1962, pas aux USA, mais au Canada, à Ontario. Il est devenu canadien. Ils sont vachement bien, ouais. Les Canadiens, Xavier J'adore Dolan Canada. Et tout. Bon, hein, moi j'aime bien. Et il est devenu seulement citoyen américain en 2004. Voilà pour la petite info. Ouais. Donc bon, comme je vous ai expliqué, c'est un acteur et producteur qui a gagné 2 Golden Globes pour ses rôles. Dans Truman Show et dans. Alors tu as dans Liar Liar et dans Live in Color. Il a rien gagné avec Truman Show. Truman Show. Alors, attends que je regarde mes informations. Non, je sais juste que c'était un grand succès. Ah si, ouais. Si, Golden Globe aussi, pardon, j'ai rien dit. Truman Show aussi. Merci. Si, t'as raison. J'aime particulièrement cet acteur. Donc Liar et Truman Show, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de comment il en arrive là ou pas du tout? Non. C'est vrai que genre les acteurs finalement, on les connaît dans leur rôle à eux, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait avant pour arriver là. C'est pas trop leur carrière. Je confirme, je suis sûr qu'il a fait un truc qui n'a rien à voir. Si, pourtant, il faisait du stand-up au tout début à Toronto. C'est ce que j'ai dit, humoriste, mais oui. c'est plutôt dans la même branche, quand il pense. Il change pas, il fait toujours de l'humour. C'est dans de l'humour, oui, en tout cas, c'est dans le comique. Oui, donc, mais... Après, oui, si tu deviens après acteur de drama, oui, c'est sûr que c'est pas pareil. Ouais, j'étais sûr qu'il aurait fait humoriste. Je sais pas pourquoi, ça école bien. Oh, on voit bien comme humoriste. Je trouve juste très drôle le bar dans lequel il faisait, ça s'appelait le Yuk Yuk's. Yuk Yuk's. J'aime bien le nom, voilà. C'était peut-être un bar tenu par des natifs, tu sais, les Indiens d'Amérique. Ou fin de Canada. Pas de racisme, Ismaël. Aucune idée. C'est pas raciste. Il est resté à la maison. Je sentais la blague. Mais non, il n'y a pas de blague. Oh, ils sont bons qu'à brûler. Non. Bon. J'étais sûr. Ça craint. Oui. Je suis désolée, Anna. En plus, on n'est que 4. Ça part dans tous les sens. Bon, après, pour continuer, donc il est parti à Los Angeles et il a été pas reconnu, mais il a été trouvé, j'ai envie de dire, par Rodney. Je sais pas, j'ai pas le terme en terme en tête. Il a été repéré. Repéré. Ouais, oui, repéré. Voilà. Je l'avais pas en français, c'est ça. Mais en plus, c'est vrai. Je te promets que c'est vrai. Comment dire repéré en anglais? Search? Non, non, ça c'est recherché. Ça dépend. Non, j'avais Casted en tête, mais c'est pas ça en fait. Casted. Bah, c'est en ça gros. Pas du château, ça. Non, c'est Casté dans le sens casting, tu vois. Ah oui, mais casté, ça parle. Ça, c'est aussi un terme français maintenant. Dans le sens. On l'a oui. en. Dans on le sens quoi français, quand tu castes quelqu'un, que tu le trouves, tu veux dire ou... Ouais, c'est quand tu fais un casting et que tu le choisis, tu vois. Enfin, d'accord. Je sais pas, je l'utilise comme ça. Ouais, non, mais casting, je crois que c'est un mot utilisé en France aussi. Hein. Ah oui, bah oui, oui, clairement, je te confirme. Oui, je te confirme. Donc, il a été casté par René Dangerfield, je présume que ça se prononce comme ça, ou Dangerfield. Par René. Qui était un humoriste, et donc il lui a proposé, il l'a vu juste une fois jouer, et il lui a proposé de faire son intro, enfin son premier acte, pendant toute une saison. Tu dis le gars, ah, oui. C'est quand même vous. Genre, et puis c'était un grand humoriste en plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a commencé. Après, il est devenu donc dessinateur noviste de dessins humoristiques. Okay. Quoi Tiens. J'ai rien. Ah, c'est toi, je me disais qui juste parle. Dit, tiens. Tiens, ok, d'accord. Il a fait du dessin. Je suis surprise aussi. Ouais. Donc voilà, la Duke Factory. Pas. Et puis bah, c'est ça qui lui a donné apparemment l'envie de. Un peu confiance et l'envie de devenir acteur. En le dessinant. Non mais je pense que c'est le côté, je pense que c'est le côté humoristique en fait qui lui a. Parce que si on se posait la même question avec Anna. Ouais non je sais pas, moi aussi ça m'a étonné, je me dis comment le ça destin, et je présume que c'est le côté humoristique et ouais le fait de donner ses idées. D'accord. Au travers du dessin, je présume que c'est ça. Du coup c'est quoi son tout premier rôle qu'il a eu? Et ben justement j'y viens. Non, il a fait donc les premiers films qu'il a fait, tu vas voir Finder Keepers. Qui, il existe en français. Alors je connais pas le nom français, je suis désolée. Parce tu que nous j'ai. A donné tout mais les j'ai regardé. Bah oui, mais j'ai regardé tous les documentaires en anglais. Excusez-moi. Non, regardé en français parce que du coup ça parle pas. Bah tu les as. Ouais, le truc, sauf que t'en as moins en français. Oui, je suis d'accord. Et... Mais mais ouais. Bah tu tapes Finder Keepers et tu. Parce que par exemple, Eternal Sunshine, lui c'est aussi le titre alors, en français. Non, lui t'as... non, ça le... c'est le même titre. Ouais, voilà par exemple. Mais il y en a, ils sont en ou français. The Mask, aussi, c'est la même chose, tu vois. Ouais, masque, enfin le masque. The Mask, ou, ouais, le masque. Bah, je crois que c'est Bruce Toussaint, ça doit pas être pareil, je pense. Non, c'est Bruce Almighty. Almighty, yes. C'est quoi ça? Bruce Toussaint. Ah oui. Ouais, ouais, tu bah, vois, ouais voilà. Tu m'aurais dit Bruce machin si. Almighty. T'as, alors celui-là par contre il est pas en français je crois, t'as Peggy Sue Got Married ou t'as Nicolas Cage dedans quand même. Oh. Ouais. Ah. Elle est gay avec Nicolas Cage ou non? De quoi? Il y a une fac... C'est un film qui parle de quoi? Oh, je sais plus, je t'avoue que j'ai fait beaucoup de recherches, je sais plus exactement. J'ai recherché moi-même mais... Mais non je saurais plus te dire exactement, faudrait que je regarde. Mais après il a aussi fait Earth Girls qui est c'est un peu une série Z je crois, enfin une série B pardon. Mais donc tout ça c'était des petits seconds rôles. D'accord. Mais par contre il a été donc casté pour le coup par Clint Eastwood pour jouer The Deadpool et Pink Cadillac. The Deadpool? Non c'est pas le même. C'est, hein c'est Dead oh. et Pool plus loin. C'est, d'accord. Tu vois, c'est un autre film. La référence Deadpool c'est par rapport à non, ça? Non non non, y a, non je pense pas. En vrai quoi, ah quoique je sais pas peut-être. Je sais pas. Mais je crois que c'est pas pareil je pense. Aucune en vrai quoique. Ah si, bah si, bah si, pareil. Si, pareil. C'est juste bah, qu'il y a un espace voir. Entre c'est ça. Les deux pour Jimmy Carrey. Il y a Carrey. Un lien. Mais c'est vrai que tu bien écoute, tu iras chercher la semaine prochaine, tu me diras, ça ne va pas. Ouais. Okay. Ouais, si, ouais, si, faut... Il aura note oublié. Le. Ouais, mais, non mais ça sert à rien, je vais pas garder ses feuilles. Je m'en fous, écris-le quelque part. Je veux que tu l'écris. Non, pas sur ma main. Bon, après, il a aussi joué dans des séries type sketch comique à la télé. Par exemple, il a fait Living Color qui a vraiment catapulté sa carrière. Voilà pour la petite info. Et d'ailleurs, ça a l'air très cool, donc je vais aller regarder. Après, dans les films plus connus, ceux-là, vous allez forcément les connaître. Vous avez en 1994, il a sorti Ace Ventura. C'est ça son premier film ou qui se fait connaître enfin, ou que, alors, son premier grand rôle? Son premier grand rôle. Il n'y en a pas spécialement, alors, je pense. Non, ouais, je dirais pas qu'il y en a un en plus. C'est en fait, au fur et à mesure, il s'est fait connaître. Il s'est ouais, petit à petit, il s'est bâti sa réputation. Ouais, ouais c'est ça. D'accord. Après, t'as, ouais, c'est vraiment ceux que j'ai. Déjà, bah, rien que les films de Clint Eastwood, je pense que lui ont permis de se faire un peu connaître. Et puis, puis, t'as vraiment Living Color, pour le coup, qu'il a, ouais, qu'il a catapulté. Qu'est-ce que c'est, Living Color? J'ai pas osé te demander. Mais... Living Color, c'est un. C'est, ouais, c'est une série télé, en fait. D'accord. Et je sais plus exactement de quoi ça parle, mais j'ai... Vivre en couleur? La vie en couleur? Non, même pas. Ça doit pas exister en France. Je crois que c'est en rapport avec des ouvriers, mais j'ai un doute. J'irai chercher, hein? Je vous redirai ça. Des gros ouvriers canadiens avec des grosses haches. C'est très bizarre, quoi. Non, alors non. Non. J'ai une image, moi, mais ça doit pas être canadien. Ça. Ça fait très russe. C'est ça. Moi, glou canadien, j'ai dit. Russe. Mais bon. Allez, la caricature est magnifique. Ouais, bon, après, vous avez, tu vas encore me dire que c'est pas en français et je n'ai pas la traduction française, je suis désolée. Vous avez aussi Dumb and Dumper. Et The Mask, oui, je sais, il est bientôt 10 minutes. Oh non, ça fait plus, mais c'est pas grave. Ça fait plus, oui, mais écoute, j'ai envie, non, j'ai écrit beaucoup de choses. Voilà. On a tous envie de parler de Jim Carrey. Il a aussi fait The Mask, forcément, évidemment. Que tout le monde connaît, évidemment. Ce film est très cool. Un de ses gros succès, j'imagine. Ouais, et c'est vraiment. En fait, c'est ces trois films-là qui ont vraiment fait augmenter sa popularité. Quoi. Boom, boom. The Mask, Truman Show, Ace Ventura, c'est ça? Alors, Truman Show, ouais, ça a été un gros succès, ouais, clairement. Et t'as aussi Liar, donc Menteur. Si tu l'as pas vu, regarde-le, c'est mon préféré, vraiment. C'est un bijou, mais alors, tu rigoles tout le temps, c'est trop drôle. C'est Jim Carrey, on rigole tout le temps. Ah ouais, mais celui-là, c'est pas exact. Enfin, tu vois, Ace Ventura, j'ai un peu de mal à le regarder, mais alors celui-là, il est. Mais du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses Alors, c'est quoi? C'est pas Eternal Sunshine, le dernier. Non, c'est Sonic, je crois, le dernier truc qu'il a fait. Sonic? Oui. Ah, t'es pas au courant, il est le méchant dans Sonic. Ah, j'ai pas regardé Sonic. Il y a un film Sonic qui est sorti et il joue le méchant. Je sais pas comment il s'appelle. Ah ouais. Il est pas encore pas en France. Ah, il fait la voix de. Ah non, mais il est pas encore sorti aux États-Unis parce qu'ils ont tout retravaillé les images. Oui, Sonic. L'image de. Oui, parce que hérisson. Tout le monde a gueulé parce qu'il était de forme humanoïde alors que Sonic c'est un hérisson. Hérisson. Ouais, c'est très bizarre. Voilà. Il a des pattes effectivement, mais pas. Enfin, ils ont refait tous les graphiques de Sonic et il joue le méchant dans Sonic. Ah, mais je savais pas. Et le méchant est aussi un peu loufoque. Ouais. Ouais. D'accord. Donc ça y colle comme un gant, ouais. Bah dans le genre, il a fait le Grinch aussi. Oui. Le Grinch. Super film, c'était mon premier film de Jim Carrey que j'ai vu. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs j'ai appris que le Grinch il avait eu un. Déjà c'est un gros blockbuster, il a fait 260 millions. Dollars. Sérieux? Je te promets. En même temps les films de Noël c'est ce qui fonctionne le mieux aux États-Unis. Les films de? Noël, tout ce qui est Christmas. Oui, c'est pas faux. C'est très dans la culture américaine. Genre, et puis de ce que j'ai vu, en fait, il y avait un travail de maquillage énorme. Je crois même qu'il y a eu un award pour ça. Ils ont créé l'award justement pour ça. Non, mais t'as les meilleurs costumes, les meilleurs décors, ouais, tout ça existe. Les meilleures photos, ouais, etc. Meilleures photos, meilleurs sons, enfin, meilleurs montages, t'as plein de choses. Et genre, à un moment donné, dans une interview, il racontait, ouais, ça fait 6 mois que je suis dans le truc du Grinch. Je vais prendre des vacances maintenant, j'en ai un peu marre. Donc, il a fait une grosse pause après. Mais oh, il a fait un film qui est très très cool, c'est Man on the Moon. C'est une bio de Andy Kaufman, je sais pas si vous connaissez. Quelqu'un pas du qui tout. Allait sur la lune et que c'est un menteur. Oh, alors non. La théorie, le complot de la Terre platiste, non, comment on appelle ça? La théorie de la Terre plate. Merci. Voilà, il y a des gens qui y croient. Chut. On ne sait pas qui. Chut. Arrêtons les blagues et continuons. Ah non, c'était pas une blague. Non, mais je te connais, je sais qu'il y a. T'étais bien là la semaine dernière pourtant. Ah ouais, mais il y avait aucune arrière-pensée par contre. D'accord. Ah, c'est t'as été chercher trop loin là. Ouais. Bah, non, là il y a pas. Ouais. Il y avait même pas d'arrière-pensée. Bah, il le dit donc c'est. Bah, ok. Non, c'est juste une petite arrière pour balancer comme très ça. Cool, ouais, bah, j'essaie de mettre des gens dans la secte. J'ai cru. Volé. Bon bah voilà, il l'a balancé, c'est lui. Ah, nous attendions la perche un petit peu trop longtemps. Bah en même temps, tu tends la perche, j'ai envie de dire. Non, il tend le bâton pour se frapper, c'est pas. Oui. Ouais, je vous donne quelques petites anecdotes et on va passer à un petit jeu où je vais tenter de vous faire, je vais vous faire deviner, on va vous donner des répliques et je vais vous faire deviner de quel film il s'agit. Et même Anna peut participer. Tout le monde peut participer, okay. Et oui. Sauf moi du coup. Bah, sauf toi parce que Jolan, voilà. Parce que tu vois ce que c'est. Toi, c'est ballot. Tu ne regardes pas. tu regarderas Anna. Mais tu regarderas Anna. L'émission. Quoi? Tu regarderas Anna, comme ça tu seras obligé de ne pas regarder l'écran. Sa voix qui est intéressante. Non. Mais depuis le début, il arrête pas de dire ça, mais tu es très jolie, Anna, en plus. Oh, bah, tu es très jolie. Tu es très jolie. Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai eu un chat. Anna, tu es très jolie, tu vas être ma copine. Alors, tu vas être ma best friend. Il y en a un qui va pas être content. On t'envoie des petits papiers, veux-tu sortir avec moi? Oui ou non, coche la réponse. Je vais faire comme Charles et Gaëlan, on va s'envoyer des petits mots pendant les. Ok. Mais Gaëlan, il a mis fin à cette relation. Oh là là, partant. Grand Dieu. Moi, je suis jalouse, hein, oulala. Pardon. Donc, pour les anecdotes, en vrai, j'en ai trouvé des très drôles. Bon, alors, celle-là, elle est pas très drôle, mais je la trouve cool. À 10 ans, en fait, il a envoyé un résumé de son stand-up, parce que depuis qu'il est tout petit, il fait du stand-up, enfin, il fait des petits spectacles et tout, à un show télé, en fait. Mm-hmm. Et malheureusement, il a pas eu de réponse, mais juste, à 10 ans, le gars envoie son résumé de stand-up, je trouve ça génial. Est-ce qu'à 10 ans, tu te vois faire ça? Non, ça te fait rien du tout. Non. Tu peux être piloté, ouais. À 10 ans, je voulais Ouais, dormir. Non, non, bon, bah voilà, tu vois le niveau d'ambition, la différence. Ouais. Il y a un autre truc qui était trop mignon quand il était petit, il faisait des claquettes et sa mère lui demandait de garder ses chaussures pendant la nuit au cas où elle avait besoin de se faire remonter le moral. Voilà. LOL! Ouais, je trouve ça trop mignon. Il a grandi dans une famille très bizarre. Ouais. Non, mais il voulait bien du coup de temps en temps, en pleine nuit. Mais sa mère qui lui demande ça, c'est très étrange. Oui, non, je sais. J'ai lu ça, j'étais en mode what the fuck. Mais bon, je trouve ça mignon. C'est dérangeant. Oui, c'est bizarre. Enfin, imagine, tu vas remonter en pleine nuit le moral de ta mère. Je trouve ça mignon. Voilà. Alors parce que t'as des chaussures de claquettes, ta mère a le moral remonté la nuit. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est très logique. Petite parenthèse. Mais non, enfin, je n'ai rien contre les jeux de claquettes, mais. D'où est-ce que regarder les gens faire des claquettes, ça remonte le moral? Bah c'est de la danse, donc la danse c'est en général assez joyeux. T'as pas vu les Mary Poppins, ils font des claquettes et tout, c'est trop bien. C'est sympathique. Ouais. Ça fait clap clap clap clap. Enfin ouais, j'ai l'image en tête en fait. Mais en c'est fait, bizarre. Teddy c'est le genre de personne, les classiques. Oh je m'en bats les couilles, c'est vraiment. Les classiques c'est vieux. Les classiques c'est vieux. Les vieux c'est vieux. Voilà. C'est exactement ça. Ah, c'est vrai, j'aime bien les trucs récents, jeunes, mais bon c'est. Ouais, je vois dans le futur. Bon, une anecdote qui va te plaire à tous les coups. Alors et non, il ne dealait pas avec son prof, il a fait deal à l'école avec son prof, c'est-à-dire qu'en fait c'était un vrai clown en classe, donc le prof en avait marre. Du coup il lui a dit bon, on va faire un deal. Si tu es sage, je te laisserai faire à chaque fin de cours pendant 5 minutes ton stand-up devant toute la classe. Et pendant un an, il l'a fait. C'est génial. Sa renommée, elle est là. Il a eu un super bon prof pour quand même. Mais c'est génial. Tu vois, le prof s'est adapté à l'élève, c'est bien. Mais tu oui, vois, c'est je trouve pas ça comme trop les, cool. Ceux qui font des grèves aujourd'hui, quoi. Non mais petite anecdote. À il y a des profs très cool, attention. Oui, je dis pas contraire, mais genre. Ça pareil. Aujourd'hui, ma petite sœur qui est en troisième passait le brevet blanc, a défait un rédac de français pendant 2 heures. Oui. Les profs ont décidé de faire grève, ils ont pas fait la rédac. Oh putain, c'est pas grave. Bah, tu t'entraînes pour un brevet blanc, c'est un peu chiant, quoi. Sachant que c'est censé compter dans le brevet. Tu recommences. Ouais. Ils vont peut-être le rattraper sur un autre jour, mais c'est débile, tu vois. Ouais, c'est un peu. Ils sont là, ils ont révisé, ils ont taffé et tout, et puis bah, oh, grève, allez vous faire foutre les élèves. Wouhou. Mais bon, si on cherche par là, c'est ouais, plutôt le ouais. Petit aparté, c'est plutôt le système français scolaire hein, qui pourrait peut-être changer. Donc, c'est pas les profs. Les grèves en soi, ça passe. En même temps, tu m'étonnes qu'il y ait des grèves si le système change pas. J'ai envie de dire. Ça fait 60 ans que c'est le même truc, quoi. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça plutôt normal qu'ils fassent des grèves. Je veux dire, quand tu vois que le système change pas. Je suis pas sûr. Mais après, c'est sûr que. Je trouve ça dommage. Tu vois qu'il n'y a pas au moins si on parle des gilets jaunes une solution B pour dire voilà parce que les élèves ils en pâtissent aussi quoi, c'est ça le souci. Ouais. C'est après une solution B, il y a plus de grève, tu vois, c'est que ça c'est les gilets jaunes, c'est RS. Ouais, là on rentre dans le politique. Ouais, ouais, donc on va arrêter parce que et puis bon moi j'ai pas du coup on n'a pas vécu la enfin moi j'étais la une des générations qui a c'était les générations juste après qui ont fait la réforme, donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais je pense en vrai que c'est pas si mal. On verra ce que ça donne, mais j'attends de voir. Moi, je vis ça avec ma petite sœur, donc je verrai ce qu'elle dira. Tu verras, tu nous diras. Ouais, je tiendrai au courant de tout ce qui est actualité politique, école. Bon, maintenant, on parle plus de politique, on va faire un petit jeu, petit quiz. Allez, c'est parti. Gilet jaune. Donc là, on commence par un facile. The Mask. Bon, jusque-là, attends. J'ai même pas entendu le truc, en fait. T'as pas entendu ? Non. Tu peux le remettre du début, ouais, du coup. Vas-y, attends, j'ai remettre. Il a dit Splendid. Pardon, pour sauter. Ah, c'est en français. Bah, je l'ai mis en français, du coup. Bon, il y a des trucs en anglais parce que j'ai trouvé pas en français. T'as entendu, du coup là ? Oui, oui. Je la connais par cœur, la chanson. Ouais. Il est excellent sur cette scène. Pardon. Attends, il y a une suite après. J'adore sa voix. Bon, ça c'était le premier, était facile. Ensuite, ouais. Deuxième, c'est parti. Bruce tout puissant. Non. Tu la sens, grosse intelligence. Tu me sens, tu la sens rien. Car le jour Bah, Ace Ventura. Oui. Rappends-toi. Non, tu la sens, ma grosse intelligence. Elle est trop bien. Je n'adore cette réplique. Mes couilles sur ton nez, tu ressembles à cette seule, elle est dégueulasse. Tu l'aurais pu dire, tu vois, en le gueulant comme ça. Ok, allez, on continue. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Une Truman Show. Oui, oh, il est chaud, Teddy, ce soir. Oui, bien joué. Ça va être les trois que je connais, après c'est bon. Ok, après, quatrième, ça commence à devenir plus dur. Peu importe la raison, son cœur ou ses chaussures, debout devant sa grotte. Ce n'est pas Jim Carrey. Attends, écoute. C'est sûr. Détester les choux. Dans l'ordre. Acarien Abélard Douchou. Je... The Grinch? Oui, c'était le Grinch. Ouais, oui. Ouais, c'était un. Ok, allez, un petit dernier. Bon, visiblement, personne ne l'a vu, alors on verra si vous trouvez. Hein ? Attends, tu remets du début parce qu'il faut entendre ce qu'a dit avant pour comprendre. Tout le monde m'a accueilli très gentiment. Bah, tiens, c'est normal avec d'aussi beaux nichons. Non, je veux dire des replopés aussi gros. C'est pas un film qui dit que la vérité ? Menteur, menteur ? Putain, si, je l'ai vu ! C'est ça, c'est ça. Il est obligé de dire la. Mais oui ! Il est obligé de dire la vérité. Je te laisse jusqu'à la fin, s'il te plaît. Je me laisse tellement assez. Grosse choice. Ouais, ça me donne envie de faire un accent nazi, éclairien, tout ce que vous voulez. On dit allemand. Mais le truc, c'est que cette scène, franchement, en français, ça marche pas, en fait. Alors qu'en anglais, juste... The color of the pen that I hold in my hand is blue. C'est très drôle en anglais. Bon. D'ailleurs, ça fait penser, tu soulignes un point. Le mec qui fait la voix française de Jim Carrey. Oui. Il doit être vachement important, lui aussi. C'est qui ? C'est-à-dire ? Bah, je sais pas, parce que sa voix française, elle est quand même assez emblématique pour nous. Pour ceux qui écoutent qu'en français. Ouais. Bah, disons que c'est. Ouais, c'est une. Bah, t'en as certains pour qui ça correspond. Je fais tomber mon téléphone. Ça correspond bien, ouais. Ça correspond bien. Genre, tu prends Johnny Depp, il est très très cool, son. Je trouve son doubleur. Je vois pas sa voix. Tu vois pas sa voix. Morgan Freeman, sa voix, elle est. Morgan Freeman, ça correspond bien. Et ouais, j'avoue que lui aussi. Et Jim Carrey, ouais, franchement, il. Bah, Jim Carrey, le mec, il est assez badass, mine de rien, quand même. Ouais, il a une bonne voix, j'aime bien aussi. Ouais. Il s'appelle. Je... Pour moi, la voix de Jim Carrey, c'est la voix française en fait. Du coup, si ça se trouve, sa voix anglaise, elle va me dire. Ah, dégueulasse. Non, non, elle est vachement bien. Il s'appelle. Attends. Non, c'est pas ça. Ah non. Comment il s'appelle ? Emmanuel Curtil. D'accord. C'est bien. Ah, mais attends, c'est pas. Là. Il fait aussi. Tu sais ce qu'il a... Ouais. Mike Myers. Ouais. Non, les autres, vous allez pas connaître. Non, c'est pas intéressant, d'accord. C'est bon, il c'est est connu fou. Vraiment que pour être le doubleur de Jim Carrey. Quoi. La voix officielle de Jim Carrey. Sinon, ouais. Il sert à rien. C'est déjà pas mal. C'est bien. C'est comme la voix japonaise de Jean-Claude Van Damme. J'ai pas trouvé, je suis trop deg. Oh. Vraiment, si vous trouvez, n'hésitez pas à nous envoyer un extrait, ce serait trop drôle. Bon. C'est, bah, écoute, c'est la tout fin pour moi. De l'acteur. L'acteur. Oh, l'artiste de la semaine. Ça va bien se passer. Adieu Jim, tu nous manqueras. Tu nous manqueras. Ah non, il est pas mort. J'ai trop envie en rentrant de regarder Menteur du coup. Moi j'ai envie de voir Bruce Tout-Puissant ou The Mask. Oh, tu sais que je l'ai pas vu Bruce Almighty, faut que je le vois. T'as pas vu Bruce Tout-Puissant ? J'ai vu des extraits mais je l'ai pas vu encore. Pourquoi pas un marathon avec Morgan Freeman ? Oui, en plus il apparaît devant. Dedans. Avec Morgan Freeman ? Ouais, au début c'est lui qui joue Dieu. Ouais, il joue Dieu. Et il part en vacances. D'accord. C'est ça, et en gros il lui. Tu vois le truc ou pas ? Ouais, tu vois le synopsis ? Ouais, je vois très bien. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est c'est en gros un mec qui crache un peu sur la gueule de Dieu de base. Ouais, c'est ça. Pas et ça Dieu, c'est qu'il, ouais. Ouais, il dit qu'il il croit pas plus en Dieu parce qu'il perd tout. Voilà. C'est ça. Un et du coup, un jour, en fait. Dieu lui apparaît et il lui dit bah écoute, tu dis un peu de la merde sur moi. Donc du coup, on va échanger nos jobs. Je vais te donner mes pouvoirs et on va voir comment tu te démerdes. Et c'est très drôle. Voilà. Parce qu'il en genre, oh la scène I've got the power, elle est très drôle. C'est avec la chanson I've got the power, elle est très très drôle. Et je crois qu'il fait des trucs. Enfin, on va ouais, on enfin, pas spoiler, regarde, mais... regardez le ouais, film, vraiment c'est très drôle. Ouais. Enfin, en tout cas, tout le début que j'ai vu est très drôle. J'ai pas eu le temps de finir. On va passer à la dernière rubrique de cette émission. J'ai juste une dernière anecdote sur Jim Carrey. Vas-y, à vérifier. Mais apparemment, il pratique la méditation transcendante. D'accord. What the fuck. Voilà, oui, what the fuck. Et il a reçu un diplôme honorifique de docteur en beaux-arts au cours de la cérémonie qui s'est tenue à l'université de Maharishi de Management à Airfield dans l'Iowa. Oh. Alors, j'ai rien je sais plus si c'est celle-là que j'ai regardée, mais il y en a une que j'ai regardée et c'est peut-être bien ça. Alors... Du coup, et maintenant. Bah, oui, on va passer à la dernière rubrique après actu. La musique, évidemment. La ah, rubrique d'accord. Actu ou que. Non, non, non, attends, écoute-moi jusqu'au bout. On va parler de nos actualités à la fin. Mais d'abord, tu vas nous faire des actualités technologiques, nouveautés aussi dans Pack Avenger. Ouais, des trucs nouveaux, récents, des petites rumeurs, des choses comme ça. Des petites aides, des petits trucs. Voilà, des choses qui vont vous titiller là où vous aimez ça, quoi. C'est ça. Ah, faut se réveiller, il est 23h, là, je vous sens un peu endormi sur la fin d'émission. Ah bah non. C'est normal, il est 23h32. Mais non, okay. Il est 23h à peu près. Ouais, il est à peu près 23h. Du coup, on va écouter du Has Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, Wes Rammstein, ta gueule, de Doo-Wap, Doo-Wap. C'est un match-up entre Carly Rae Jepsen et Rammstein. C'est bien ça ? Ouais, c'est de l'allemand. Pas Rammstein. C'est un allemand, mec. C'est un allemand ? Oui. Oh. C'est un groupe allemand, Rammstein. Ah, mais on va voir ce que ça donne avec Carly Rae Jepsen. Alors, tu vas voir, c'est très stylé d'Ouest. Peck Avenger sur Indestar, c'est mieux que le film Camping 2. Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les Peck Avenger. Effectivement. Attends, je vais y venir, Peck Avenger, c'est mieux que Camping 2. Par contre, je sais pas si c'est mieux que le match-up Carly Rae Jepsen. De et Rammstein. Et d'Ouest. Ouais, de Rammstein. Ouais, Rammstein. Ah, c'est vraiment dommage que vous ayez pas vu ce qui s'est passé dans le studio. C'est pas grave. On pourra mettre la vidéo. C'était beau. Ils l'ont pas vu, mais ils auront moins entendu la musique. Pense, ouais. C'est du what the fuck total. Ah non, mais c'est. Enfin, moi, je me suis pris une claque. Genre, je connais la musique mais de Carly Rae Jepsen. C'est Call Me Maybe. C'est super doux, c'est super pop c'est et tout. Le plus trop... doux de Rammstein. C'est gros Rammstein, il est doux. Et là, t'entends doux. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? T'as des frissons, mais j'ai des frissons, j'ai chaud, je sue, je pleure. Toi, t'as beaucoup chanté. Est-ce que j'ai un petit extrait que je peux faire écouter? Vas-y, vas-y. Là, ça va que vous voyez pas ma tête, mais l'affiche, ouais. Oh, mais. Si, allez voir mon Insta pour regarder les stories. C'est t'as vu ça sur Insta? C'est magnifique. Je t'ajoute sur Insta, Marguerite. Là, ça mais quand pas. Tu veux, mais, quand, mais vraiment. Mais il faut savoir que moi, j'aime pas afficher ma vie sur Insta, mais j'aime mettre des trucs drôles ouais, non, de la raison. Vie de tous les jours, ce qui me fait marrer. Donc, des bon. Mèmes. Voilà, c'est pour ça. Tu te trouves, tu deviendras un mème. Bâtard. T'as vu la manipulation? J'ai dit mème parce que t'as dit mème et t'as fait mème après. Mème, ah, c'est beau. D'où mème? Quand on aime, on compte pas. Non, c'est bon, j'arrête. Oh, mon oh là Dieu. Là, elle était belle. Tu vas nous parler d'actualité. Non, je veux pas. Non, tu vas pas. Ok, bon bah salut hein, tout le monde, on rentre chez nous. Hein, non, ça va aller. Oh merde. Alors question, est-ce que je fais les 4 ou je fais... Ah, on en est, je sais pas. Ouais. 23h37 quand même. C'est Anna qui va décider. Ah non, c'est pas juste de faire ça. C'est trop dur. Tu fais comme d'accord. Tu le sens. Ok, voilà. Bah, allez, les 4. Elle a décidé. Ah, allez, c'est les parti. 4 moins 1 moins 2. Oh, je vais voir. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut. Voilà. Je précise. On a rien dit. Quand tu veux. Le mec qui a dit Inch'Allah, ça le fait un blanc. Nous t'écoutons. Tu peux mettre un petit bruit drôle, genre. Tu vois un truc et je fais nouveau en même temps dessus. Un bruit drôle. Attends, tu veux un bed? C'est maintenant que tu dis ça. Ouais. Mais non, mais pas un bed, un petit bruitage. Un petit bruitage. Genre un steak. Oh, un feu de cheminée. Un steak. Les feux de cheminée, c'est bien. Ah, le feu de cheminée. Ouais. Oh non, c'est pas le feu de cheminée, ça. C'est pas le feu de cheminée. Bah, pas mal, c'est là. Me faire rire, là. Allez, mets un petit feu de cheminée, vas-y. Juste pour lui. Voilà. Clément, si tu nous écoutes, on pique ton feu. Les actus d'Ismaël pour bien dormir. Oh, ça le fait trop. Voilà. Oh, allez, vas-y. Vas-y, tu peux mettre un truc plus punchy. Non, regarde, alors... moi j'aime bien. Ah, mais moi, je vais m'endormir. Ça reste dans l'ambiance. Ok, bah je vais parler calmement, avec une voix un peu plus suave. Oh, oui, tiens. Fais la noix, Alan. Ça te va? Oh. Il pourra jamais la faire. À la Anne? Non. Je pourrais pas faire une vraie. L'Anne. Anne. À la Anne. Anne. Bon, laissez-moi faire ma chronique tranquille. Moi, donc, ouais, dit. Les actus. Alors, faut savoir que je vais payer chaud mes actus sur internet. Il y a des trucs qui sont pas vérifiés, ça peut être des rumeurs ou quoi. Mais j'en parle parce que ça peut être intéressant si vous êtes geek et fan de pop culture. En fait, ça suffit amplement. Déjà, je sais pas si vous avez vu la série The Mandalorian. Donc. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu beaucoup de Star Trek, mais non, de Star Wars, pardon. Notre feu Gaelan l'a vu. Voilà. Et il m'en parle beaucoup. Ouais, il kiffe. Et bah, il aime surtout Baby Yoda. Et bah, à tous les Gaelan qui ont vu The Mandalorian, sachez que, eh bien, ça y est, Disney a prévu 5 saisons au minimum pour cette série qui vient de commencer et qui n'en a eu qu'une seule. Tout simplement. 5 saisons direct, ouais. Okay. Donc voilà, ça c'est pour l'instant ce sont des rumeurs. Et par contre cette semaine on a appris quelque chose de véridique, c'est que c'est le boss de Disney en fait, Bob Iger ou IG, je sais pas comment tu dis ça, il a annoncé la saison 2 qui va sortir pour le mois d'octobre de cette année. Okay, donc voilà, vous avez encore sur une saison 2 et peut-être 5 saisons d'un coup. Ouais, c'est ça. Et il expliquait aussi que la série pourra intégrer plus de personnages que pour l'instant et que notamment ces personnages auront leur propre direction en termes de série. C'est-à-dire ils ont des petites histoires à eux à côté, ouais, un peu comme les Avengers. Un petit peu des spin-off ou des choses comme ça, je pense, okay. C'est ce qu'il veut dire. D'accord. Voilà, donc ça c'est le truc un petit peu simple. Donc si je peux finir avec une petite conclusion là-dessus, c'est que autant dire que The Mandalorian. Mandalorian. Ouais. Encore eu de beaux jours en perspective avec plus de 5 saisons. Bref. D'accord. Est-ce que vous avez déjà joué aux Sims? Oui. Oui. Oui. Tu peux parler dans le micro, Anne. Oui. Oui. Anne n'a pas encore. Qui n'y a jamais joué. Ça me balle. Ok. Alors, du coup, bonne nouvelle. Si vous avez joué au 1, 2, 3 ou 4, il y a un 5 qui est en préparation officiellement, ça y est. Oh. Ok, cool. Donc, voilà. C'est que le 5ème. Ah ouais, c'est que le 5ème, mais en fait, il y a beaucoup de DLC. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des versions parallèles. C'est pas des versions parallèles, c'est des extensions, grosso modo. C'est des extensions, okay. C'est du contenu additionnel, en fait. Moi, je joue ça. Aux Sims version médiévale. Je te jure, oh, c'était trop bien. C'était avant trop, trop drôle. Chat, tout ça, Avant quoi? Avant Chien et Chat. Chien et Chat bah, c'est ça, non? Chien et Chat, c'est des choses qu'on... Oui, c'est des contenus additionnels, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, tu rajoutes, t'as le jeu de base qui va être les Sims ou les Sims 3, je sais pas lequel t'as. Et en fait, dessus, tu vas rajouter une extension où tu vas, par exemple, pouvoir aller dans le médiéval. Tu vas avoir une extension où tu vas pouvoir ajouter de la magie, des choses comme ça, en fait. Okay. C'est juste du contenu additionnel. Si tu veux ajouter quelque chose en fait, c'était... Ouais, bah, je sais pas, c'était un jeu... Là, c'était, pour le coup, un jeu extérieur. Oui. Mais, voilà. Intéressant. Donc, faut savoir quand même que depuis 2014, qui était la date de sortie des Sims 4, il n'y en avait pas eu de nouveau. Il y a eu plein de DLC, etc., qui a fait durer très longtemps, puisqu'on est quand même en 2020. Ouais, ouais. Et le jeu est seulement au tout début du développement. C'est-à-dire qu'il y en a encore pour, je pense, 2 ans. Enfin, au moins quelques années avant d'avoir un Sims 5. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont demandé un multijoueur. Okay. Voilà, sur le jeu pour pouvoir par exemple faire ken les Sims ensemble deux joueurs, tu vois. Non mais c'est le crack, ça va être compliqué en ça dans les Sims, voilà. Ça va être compliqué quand même, mine de rien. Oui. Et ils disaient que ça se fera pas. Par contre, ils vont augmenter tout ce qui est le niveau social et réseaux sociaux par rapport à ça, tu vois. Mm. Ils vont vraiment s'adapter un petit peu à la vie réelle. Ça me fait trop tu vas passer moins de temps construire ta maison que... Oui, c'est ça. Ça me fait tellement penser. T'avais des jeux comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. C'était. Il y avait Movie et puis il y avait Movie Star Planet dedans. Oui, Movie Star Planet. Je jouais à ça à un moment donné. Et genre, t'en avais qui justement voulaient Ken et qui se mettaient sur un lit. Et en fait, comme techniquement tu pouvais rien faire, ils s'envoyaient dans les messages. En fait, ils mettaient les actions. excessivement je drôle. Je me déshabille. C'est ça. Moi aussi. Je me déshabille. Je te fais ça. Oh là là, c'est vachement bon. Machin, et t'as les dialogues. Et c'était excessivement drôle. Tu te tapais des barres. C'était très drôle. Tu joues à des jeux bizarres. Ah, oh, mais je jouais ça quand j'avais 11 ans. Attends. On nous dit que c'est pas une geek et au final, elle joue à des jeux. Mais non, mais j'ai joué à des jeux. J'ai joué un petit peu à des jeux, mais quelques-uns, tu vois. C'est ça. Enfin, c'était surtout des jeux. De toute façon, le geek commence par quelques-uns et après finit avec beaucoup. Ouais. Mais je joue pas en ce moment, donc. Voilà, c'est ça. Après, faut entretenir la relation de ton âme, tu vois, qui a le côté geek. C'est ça. Donc voilà, donc on va avoir un Sims 5 dans les prochaines années. Il y aura pas d'autres DLC pour l'instant des Sims 4 de prévu normalement. Ils vont arrêter, c'est bon, c'est fini. Ouais. Je crois que là, pour avoir toutes les extensions, t'en as à peu près à 300€ au total. Pour, ok, ouais, d'accord. Pour 300€. Ouais, oui, non, mais il y en a. T'as une vingtaine d'extensions et c'est quasiment le même prix que le jeu de base en fait. Donc, Techniquement, en fait, j'ai un peu de mal à comprendre pas l'intérêt des Sims, mais genre. Techniquement, fais ta vie quoi, ça revient au même, je sais pas. Non, parce que c'est plus drôle de manier la vie des gens. Ouais. Puis avec les extensions, tu peux rajouter des choses irréelles, voilà, parce que c'est quand même censé représenter la réalité. C'est irréel pour les auditeurs. Irréel, c'est in real life en anglais, donc dans la vie réelle en français, tout simplement. Mmh. Puis c'est un mot français, irréel voilà. Aussi. Hein. Oui. Il n'y a pas que l'abrégé IRL. Alors là, c'est l'abrégé IRL que les geeks ou les gens de la pop culture utilisent donc pour dire la vie réelle, tout simplement, en français. Et après, t'as irréel qui est une chose irréelle dans le mot. Vous allez dans le dictionnaire français, vous tapez IRL. Ou sinon, vous allez sur YouTube et vous regardez. T'as une vidéo de Cyprien là-dessus qui est très drôle. Genre, dans la vraie vie, VS les Sims. Oui, c'est excessivement drôle. C'est vrai que j'aille la voir justement. C'est très drôle. Alors du coup, troisième actu, je sais pas si vous le savez ou si en fait vous avez forcément déjà entendu parler, ou vous en avez peut-être un, je sais pas c'est quoi vos téléphones, s'ils sont pourris ou pas, mais je parle des smartphones pliables. Quoi? Ceux avec les écrans pliables. Ah, mais si. Ceux avec les écrans pliables, ouais, tout est pliable en fait. Ouais. Oh, c'est et faut savoir que récemment, il y a le magazine Forbes, je sais pas si vous connaissez ce magazine. Oui, je connais. Bah, je t'expliquerai pas. C'est parfait. T'iras chercher. Ouais. C'est super connu, tu te rendras très bien renseignement parce qu'il est tard quand même. Ils ont découvert un brevet qui a été déposé par Apple. Donc, faut savoir que c'est rien d'officiel pour l'instant, c'est pas un truc. Hein. C'est juste que c'était breveté. Okay. Donc, auprès de l'USPTO, les United States Patent and Trademark Office. En gros, c'est là où ils déposent les brevets, tout simplement. Et dans l'audit brevet, on peut y découvrir un système de pliage de l'écran en détail. Et franchement, c'est stylé. J'ai vu ça. Vous pouvez checker sur Internet. Vous marquez dépôt de brevet, etc. Et puis voilà, ça devrait suffire. Et donc, à première vue, le smartphone, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un système de charnière afin d'éviter les défauts de l'écran. Parce qu'il y a déjà des Samsung. Voilà, comme quand je tu me parles avoir. De charnière, j'imagine les grosses charnières en métal, tu sais, avec des vis où tu plies comme ça. Ouais. Bah, alors... c'est un peu ça. Bah non, non, plus bah fin, ouais, quand même, tu ouais, vois. Non, c'est pas ça. Apple, je pense qu'ils vont faire un peu plus fin. Ils sont ouais, quand même, tu vois, quand tu commences à sortir des iPhones à 2500 boules, je pense que ouais, tu peux être fin. Et du coup, en fait, faut savoir que sur le Samsung Galaxy Fold, c'est de la merde le truc. Et du coup, ça marche pas du tout. Ah ouais. Parce que bah, ça a été mal foutu. Ils ont non, mal géré. En même temps, c'est les premiers, donc forcément, ils testent. Et en plus, ça vaut super cher. Et, du c'est coup, nul, en plus, ça vaut cher. Mais sympa. Et donc, à la place, là, ils mettaient du plastique et maintenant, ils vont mettre du verre aminci. Donc tu vois, c'est quand même plus royal, on va dire. Voilà, c'est genre... Ça va coûter une blinde encore. Oui. Ah bah là, bah, de toute façon, les téléphones, tu sais, à chaque fois qu'ils sortent, ça coûte une blinde. Hein. Mais bizarrement, dans ma tête, tu vois, tu me dis du verre aminci. C'est un verre qui a fait durer. Du verre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, déjà, mais, ça, mais plier du verre. Ouais, c'est possible. Bien sûr. J'aimerais beaucoup que vous voyez la tête de Teddy en ce moment. Bah, c'est vraiment ouais, c'est, la là, ça fume, là, ouais. Je suis en train de voir toutes mes matières de verre. Non, ça se plie pas, le verre à parachaud à la rigueur, mais. Ouais, c'est ça. Là, tu peux pas. Ouais. Moi, je dois pas insister en intérieur. Excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis, on se pose des questions. Bah oui, non, mais c'est bien. Mais chut, non, je colle. Non, allez-y, continuez, j'écoutais. Non, bah vas-y, continue. Ok. Et bah, donc... T'as cassé l'ambiance, alors continue. Ok, bah je continue de casser l'ambiance. Du coup, je rappelle que, attention, il s'agit d'un dépôt de brevet. Ça veut pas dire que Apple va fabriquer très prochainement un iPhone pliable. Hein. Non, ça veut dire juste que ça leur appartient. Voilà, que, si un jour quelqu'un veut faire un iPhone pliable, bah ils devront passer par eux. Ah bon. Un téléphone, tout. Parce que les autres ne font pas d'iPhone. Oui. Bon, bref, t'as compris. T'as compris chiant. L'idée, t'es dit, en fait. T'imagines Samsung qui sort un iPhone. Et par contre, vas-y, continue vraiment. Je rappelle que là, il y a un nouvel iPhone qui va encore sortir, parce qu'après le 10 et le 11 qui coûtent une blinde, on va passer au 12, parce que ça suffit pas. Bientôt, il y aura 12. Le 13. Ouais, le 12. Genre, vraiment, ouais. Il va être présenté là le 30 mars 2020, donc à la prochaine Keynote d'Apple. Ça se passe en Californie, aux USA. C'est là où ils présentent leur nouvelle technologie, iPad, etc., tout ce que tu veux. Okay. Et alors... dans les dernières fuites sur la taille des écrans, le truc va faire une 5 pouces 4 au plus petit. Il va y avoir deux capteurs photo, donc 5 pouces c'est quand même énorme. Et la plus grande taille, ça sera 6 pouces 7 avec 3 capteurs photo. Et le 11, il fait combien une tablette, là, en le ce truc moment quoi, le 11 en taille. Ouais. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Moi je suis pas du tout iPhone. C'est pour savoir, en gros, il sera plus grand ou plus petit. Je pense que ça va être de taille équivalente parce que de toute façon, à un moment, ça rentre même plus dans les poches. Bah, les ouais, ouais. Il y a beaucoup de mèmes là-dessus où, qu'en gros, le Samsung 40 ou le iPhone 40, ils c'est sont des tablettes. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont comme ça, mais ouais, c'est chaud en vrai. Ouais. Plus ça va, plus ils sont grands et plus tu peux plus les mettre dans tes poches. Et puis, Fos, c'est con, c'est qu'on continue à faire des jeans avec des petites poches pour téléphone. Ouais, ouais. C'est à l'intérieur. Je sais pas ce qu'ils ont dans les marques, ils sont cons. C'est tout ce que j'ai à dire. Les ingénieurs sont. C'est vrai, il n'y a pas mieux à dire. Ok. Et du coup, je vais finir avec une petite anecdote très sympa. Moi, je vais, si j'arrive à trouver le code sur internet, je vais vite aller souvent à McDo. Est-ce que vous aimez manger McDo? Ah oui, ça va, de temps en temps. Qui n'aime pas. Ouais, de temps en temps aussi. Ouais, de temps en temps, on est d'accord. Linda nous écouterait. Ouais. Et si je vous disais qu'il y avait la possibilité de manger du McDo gratuitement tout le temps? Vas-y. Oui, il y a deux gens qui ont réussi à craquer. Putain, je l'ai vu. Tu l'as déjà fait, toi, ou pas? Non, c'est compliqué, mine de rien. Mais il y a deux mecs qui ont réussi à craquer McDo et gros, ils pouvaient manger gratuitement tout le temps. Ouais, McDo. Trop bien. C'est exactement ça. En fait, c'est quoi, deux hackers allemands qui m'ont dévoilé, ils l'ont dit à McDo, mais d'ailleurs, ils ont même pas changé le truc, McDo, ils sont en mode battage de couilles. Ils sont back les couilles. Ouais, en fait, c'est depuis novembre 2019, donc ça va faire trois mois bientôt. Bah, non, en février, donc 3 mois, que c'est connu. Donc ces deux gars, en fait. Ils sont... Vous savez, quand on va à McDo, on a notre ticket. Derrière notre ticket, on a un truc pour aller sur le site internet et donner notre avis, notre expérience. Et on gagne genre un sundae gratuit, un petit dessert gratuit ou un petit truc pas cher. Ouais. Et ben eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le code de génération, parce que c'est un générateur, un robot qui fait ça, qui génère des codes. Et au début, ils ont fait ça pour avoir genre que des desserts gratuits. Voilà. Ils ont fait en sorte que... Et ils envoient plein de requêtes de satisfaction en disant oui. Et c'est un robot qui faisait ça automatiquement. Et après, ils ont découvert une autre faille qui a fait qu'ils ont pu avoir accès au code source qui leur permettait de leur donner des menus gratuits et tout. Oh, le délire. Et en fait, ils ont appelé un journaliste pour lui montrer ça. Ils lui ont donné un McDo gratos pour 17 euros. Ils jurent. Ouais, ils ont fait, c'est des bons au final. Tu sais, ça te donne des bons, mais du coup, tu utilises ça. Et ils ont eu comme ça. Il devait être sur le cul, le journaliste. En fait. Ouais, genre 17 euros de bouffe, hein, c'est pas rien, tu vois. Ouais. Et ça passe inaperçu en fait. C'est bizarre. Ouais. Et McDo s'en fout. Et du coup, ça fait McDo illimité, mais c'est bien en vrai. Moi, je fais ça. Je prends un max de McDo, je vais sur Tour Centre et je distribue ça à tous les SDF que je vois pour qu'ils mangent. Ah, ouais, mais quelle bonne idée. Ouais. Je sais que c'est pas la meilleure chose au monde. T'as pas le droit de revendre des McDo. J'allais dire ça, moi, mais... Oh, quelle idée, n'importe quoi. Non, tu les revends pas, tu les donnes. Bah oui. Ouais, non, mais c'est que j'ai parlé trop vite dans ma tête. Bah, techniquement, c'est du vol, mais c'est leur faute. Oui, voilà, après, t'as raison. Ils acceptent d'être. Et faut savoir donc que ce truc, depuis novembre dernier, ça n'a pas été corrigé. McDo n'a rien fait pour ça. T'es sûr, trop bien. Non, j'ai pas essayé parce que bah, les hackers ils ont pas mis ça en ligne. Ah, c'est que tu une petite perte d'argent. Hein, oui, ouais, voilà, ah, c'est ce que je me disais aussi. Ouais, ils gagnent tellement de fric. C'est pas une épargne. Tu vois, genre, si tu fais 17 euros par semaine, même 17 euros par jour, ça fait quoi? Allez, on va dire 20. Tu fais ça tous les jours. Après, si t'avais un partage de. Justement, s'ils avaient partagé l'info et partagé le code, bon bah là peut-être qu'ils se McDo aurait fait quelque chose, mais là en l'occurrence ils l'ont gardé pour eux. Bah là en fait eux, ils ont tout gardé pour eux et ils ont même été pour des hackers, c'est pas normal normalement, tu vois, ils revendent ce genre d'infos pour de l'argent. Mm. Là ils l'ont carrément dit à McDo. Donc c'est que ils sont honnêtes. Oui, non, ils sont honnêtes. C'est quoi ces gens honnêtes là? Pour moi c'est pas des vrais hackers. Ouais, ils sont honnêtes. Ah c'est bizarre. Non, j'ai comme. Et voilà, D'accord, oui, c'est ça. Oui. Je vois Marguerite, elle me regarde, genre, elle attend quelque chose. Ouais. Oui, elle attend la fin de l'émission, en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça. Non, c'est que moi, j'habite à Tours, en fait. J'habite un peu loin, mais. Bah, pense au taxi. Bah, je me doute. Hein, voilà. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Oh. Du coup, oui, on. Hey, tu recommences ça, je te défonce. Mais il y a mes oreilles, là. On a presque pas entendu Jolan de l'émission. T'as juste Ismaël, là, qui fait un petit bruit qui a agacé Jolan. C'était pour le réveiller. On est gentil dans PK Avenger, même quand il est bientôt minuit, ta gueule Ismaël. Oui. Je vais le dire à l'antenne, fais gaffe. Tu l'as déjà dit. Oui. Quoi ? On s'en fout. vous pouvez demain écouter le lancement de Vita Conso et de Krypton. Ça commence à 20h30, ça finit à 22h pour Vita Conso et 22h à 23h pour Krypton. Ça va être des nouvelles émissions, ça va être sympa. C'est pas 21h, 22h Krypton ? Quoi ? Non. Ah bon ? Non. 22h23. T'as d'abord, t'as d'abord Vita Conso de 20h30 à 22h. Ok. Ça dure une heure et demie. Et après, t'as Krypton de 22h à 23h. Du coup, d'accord, genre, d'accord. Qui dure qu'une heure, d'ailleurs. Ok. Et nous, quant à nous, on se retrouvera jeudi prochain, même heure. Enfin, on va essayer de faire moins, mais bon, comme d'hab. Jeudi prochain, on fait une spéciale Saint-Valentin. Ah ouais, oui, c'est vrai. Et on a, d'ailleurs, avec Ismaël, on a prévu un truc très cool. On va aller faire un micro-trottoir. Dans les sex shops. Ouais. Non. Je te jure. On va aller heureusement voir, que c'est la fête des amoureux et pas la fête du sexe. Mais bon. Non mais, c'est pas grave. Est-ce que moi, je suis pour. Non, mais, ceux qui ne baissent pas à Saint-Valentin, ce sont des asexuels. C'est merci. Tout. Non, très honnêtement, est-ce que c'est pas le moment où tu prends le plus gros prétexte. Putain. C'est eux qui rigolent, j'ai rien juste fait. Juste comme ça, qui est célibataire ici? Jolan, moi, Ismaël. Bah non, pas Marguerite pour le coup. Désolé. Anna peut-être. Non. C'est quoi ce truc? On ne sait pas. Je sais pas. C'est compliqué. On ne sait pas trop. C'est en cours. Ouais, oui. C'est Ingrid. Ça dépend de l'argent que tu mets, quoi. C'est ça. Je mets éventuellement une option, tu vois. Voilà. Ouais. Bon, à voir. Option je réserve couple, lui et lui, et après on verra. Ouais. Je ferai le tri après. Il n'y en a aucun de vous qui va à la Saint-Jean. Pardon. Qui va à la non, j'allais dire, c'est pas du tout romantique comme façon de voir les choses. Non. Non, clairement. On n'a jamais dit qu'on le t'aimait. Mais petite question pour les auditeurs et pour vous aussi d'équipe. Vendredi prochain, du coup, comme c'est vendredi, la Saint-Valentin, on fait ça une journée avant. Mmh. Ouais. Est-ce que vous allez au resto avec quelqu'un? Vous faites quelque chose? Pas du tout. Oui. Attends, je suis célibataire. Bah non, mais tu sais, des fois, pour la Saint-Valentin, t'as les rencontres en tant que célibataire. Hein. Elle est pas célibataire. Ah merde, normalement. Bah justement, je sais pas, Bah non, tu peux pas t'incruster, du coup, c'est pas drôle. Bah non. Moi, c'est soirée Netflix perso. Ouais. C'est triste, ouais. Ça va être toi et ta main, c'est ça? Ouais, mais non, mais... Toi et ta main sur Netflix. Mais non, mais... Et porn. Du chopalin, très important. C'est primordial. Oh, excuse-moi, pardon. D'ailleurs, vous savez que le chopalin est. Non, est bien ta gueule. Il est en promotion pendant les fêtes. Non, on plaisante, le sopalin ne sera pas en. Les poubelles, bah quoi, on sait pas. On sait pas, écoute, hein, peut-être. Non, mais tu vois, je pense que Jolan, il est un peu comme Otis dans le début de la saison 2 de Sex Education. Je t'en dirai pas gueule. Plus. C'est vraiment des bâtards sur oh des là cas, là, mais quelle violence. Ouais. Bon, est-ce qu'on passerait pas aux actus? Après la saison. C'était les actus. Mais t'as quelque chose. Bah, bien sûr que j'ai des actus. Vas-y. Moi, je veux parler de Kirk Douglas. Vas-y. Ah oui, Kirk Douglas. Oui, non. Alors, oui, c'est que normalement, on avait séparé les. Merde, comment il s'appelle? Bon, bref, le conducteur. Ismaël, on a fait actus. De la merde avec oui. Le conducteur, désolé. Mais non, c'est normal, c'est que je. Il n'y a pas de chanson du si coup. T'as bah, des actus, et bah, vas-y. Actus, bah oui, bah j'ai une grosse actu. Oui. Bah dis-le. L'acteur Kirk Douglas nous a quitté cette nuit. Oui. Voilà. Donc, je veux une minute de silence symbolique. On ne fera pas une minute de silence, malheureusement. Bon. Est-ce que vous savez au moins qui c'est? Et ben Galen a dit qu'il a fait Spartacus. Du coup, je crois Galen. Mais c'est tout. Je regarde Ismaël. Il est mort à 106 ans, c'est ce que j'ai vu. Non, moi j'ai pas. Mais on connaît pas. Vu que... Putain, il est mort à 106 ans. En plus, je suis la seule vraiment cinéaste ce soir. Bah, ouais, oui, ils sont très seuls. Ah, l'escalade n'est plus en puissance, hein. On fait quoi? Non, alors ta gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Vive le jeu vidéo. Non, mais Kirk Douglas est un grand acteur du Nouvel Hollywood. Donc un très très grand acteur. Attends, c'est quoi ce que t'appelles Nouvel Hollywood? Le Nouvel Hollywood, c'est un mouvement, on va dire. En fait, c'est... Comment t'expliquer ça? Tu vois Hitchcock? Hitchcock, tu connais quand même. Je connais de nom. C'est trop puissant, Hitchcock. Voilà, et ben Hitchcock faisait partie de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. En fait, c'est ce qui a posé vraiment les bases de l'Hollywood qu'on connaît maintenant. C'est vraiment les règles classiques qu'on a maintenant, en fait, pour le coup. Ou t'as Scorsese, par exemple, maintenant, qui reprend, qui est dans la même veine. D'accord, en gros, Scorsese, c'est la nouvelle génération d'Hollywood. Oui, enfin c'est dans la suite, c'est vraiment ceux qui ont posé les classiques, enfin les bases des classiques d'Hollywood. Ouais. Et Scorsese, c'est pas celui qui a critiqué genre tous les films Marvel en disant. Si, c'est lui. C'est celui qui a bâché, qui s'est fait bâcher en retour. Bah, moi je m'en... Bah non, pas cher, parce que moi j'aime bien Scorsese. Non mais ces films sont très bien. C'est pour accepter que voilà, il y a du cinéma pour tout, c'est du cinéma plus. Oui, vous en avez déjà parlé dans Peck Avengers. Scorsese est un réalisateur. Oui. C'est un très très grand réalisateur. Ouais, il a fait des grands. Qui a sorti il y a pas longtemps The Irishman. The Irishman. Oui, c'est ça. C'est The Irishman, oui, c'est ça. La série, oui. Très bon film. Il a fait plein d'autres trucs. Shutter Island. C'est une série Netflix. Oui. The Irishman. Oui, c'est une série Netflix. Ok, bah c'est pas très grave. Par contre, c'est vrai que c'était peut-être pas judicieux de bâcher un truc comme les Avengers, mais bon. J'avoue, ça, j'ai pas trop suivi le truc. Ouais. Ce genre de truc-là, je suis pas du genre à suivre. C'est du people, comme tu dis. Ouais, non, mais puis, enfin bon. Ah bon, genre, tel acteur s'engueuler avec tel acteur. Les goûts et couleurs, ça se discute pas spécialement. Bah bon. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour vous donner quand même quelques films à aller voir de Kirk Douglas, bon, ce soir, il y avait à la télé, comme nous disait Galan, il y avait Spartacus, apparemment, Les Sentiers de la Gloire, enfin quelques-uns. Mm-hmm. Je vous invite vraiment à aller voir Spartacus, qui est quand même un grand classique de Hollywood. Mm-hmm. Le thème est dans le titre. Hein. Ouais. Vous avez aussi Viking, Lust for Life, qui parle de Vincent Van Gogh. Alors, question Viking, tu parles de la série? Non, c'est un film. C'est un film du Nouvel Hollywood qui date un peu, pour le coup. C'est ça qui est paradoxal. Nouvel Hollywood, mais qui date. Parce que, en gros, Kirk Douglas, quand il est mort, il avait plus de 200 ans, donc 106. Ça te laisse... voilà. Mais il a fait le cinéma muet et tout, ok, d'accord. Mais non, il l'a inventé, grosso modo, le cinéma. Il a posé les bases, comme tu dis. Sans lui, on n'aurait pas grand-chose. Alors, c'était pas le cinéma muet, le cinéma. Alors, j'ai déjà... pas dit muet. Bah, si, c'est lui qui l'a dit. Non, c'est lui. Moi, j'ai rien dit sur le cinéma. J'ai dit qu'il a posé les bases du cinéma, pas muet. Bah, le base du cinéma, c'est le cinéma muet de base. Ah, bah, chez alors. Comme Bienvenue à Gattaca. Bah, juste après le cinéma muet, alors. Bah, les bases du cinéma actuel, qu'on connaît. 1927, le cinéma. Je sais pas, par exemple. Le premier film parlant, c'est 1927, les règles de 180 degrés, par exemple, ou genre de truc, c'est peut-être à cause d'eux qu'on les. Enfin, grâce à. Ça, c'est plutôt le Nouvel Hollywood, pour le coup. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça le Nouvel Hollywood, non? Oui, ouais, oui, bah, si c'est, ça, bon, donc, c'est, si c'est ça dont tu parles, oui, c'est ça. J'ai bien révisé alors, c'est bon. Oui. Bon, c'est bon. Voilà. Et ça date pas d'hier quand même. Bah non, ça date pas d'hier, mais ouais. Genre, c'est pas non plus le cinéma muet, quoi. c'est pas si loin que ça quand même. Enfin bon, vous avez aussi donc Les Sentiers de la Gloire, qui est un film dont je vous parlerai sûrement sur cette émission parce qu'il est très cool. C'est un film de Kubrick qui sort vraiment, je trouve, de. Tous les films qu'il a pu faire, en fait, c'est déjà là pour le coup c'est en noir et blanc, mais puis même c'est sur la guerre de 14-18. D'accord. Il a fait exprès d'être en noir et blanc ou c'était ouais, c'est volontaire. Bah c'est comme Hitchcock qui fait son film, je suis fatiguée, avec la fameuse scène de la douche, Psychose, voilà. Techniquement, je veux dire, son film il est en noir et blanc, mais enfin c'était volontaire. D'accord. Par exemple, tu vois la scène de je sais qu'il est tard, donc non, je suis pas la seule à l'avoir vu, merci. Mais si. Personne a vu Psychose ? Si. Ah, quand même. Merci. Bah t'as une très très fameuse scène de la douche où en fait c'est Jane Austen. Je crois. Ah, ou qui tue quelqu'un. Oui, c'est une femme qui se fait tuer dans un motel, voilà. Ouais, qui se fait j'ai déjà vu dans sa douche et en fait le sang, comme c'était pendant la période du code Hays. C'était en fait un peu comme la censure dans Hollywood. Du coup, il pouvait pas montrer le sang, donc forcément, il a utilisé un artifice, il l'a fait en noir et blanc. Tu vois. Lol. Youpi. Ouais. C'était quoi du coup le liquide utilisé, tu vois? C'était du sirop de chocolat. Oui, il me semblait bien qu'il y avait un sans déconner. On quel gaspillage. Quel gars, oui, je suis d'accord. Ouais. Enfin bon. C'est chiant, enlever. Mais bon, c'est un choix artistique. C'est ça. Bon, okay. Après, si Gaëlan avait été là, vous en aurez cité plein d'autres. Mais bon, je vous cite pour moi ceux qui sont les plus importants. Après, il y en a à l'appel, hein, mais. Gaëlan est avec nous dans nos cœurs. C'est comme ça. S'il était mort. Mais il n'est pas mort. C'est très horrible. Mais non, on pense à toi. Oui, vous le verrez demain dans Crypto, de toute façon. Voilà. Quelqu'un d'autre avait-il d'autres actus? Non. Non? Moi non plus. Donc c'est bon. Mais voilà. En fait, ta partie fait très actu. Mais c'est de l'actu. Ouais. Du coup, on va la mettre dans l'actu. Ouais. En vrai, ouais. Bon. Du coup, tu es solide. Non, c'est pas insolite. C'est pas pareil. À part peut-être le McDo aussi. Le McDo, c'est l'actu insolite. C'est l'insolite ou pas ? Mais du coup, tu peux venir le lundi si tu veux dans l'actu insolite. On est les portes sur toi. Je suis trop fatigué. Chez pour toi. Moi, je viendrai pas. Je veux venir. Marguerite viendra de toi. Qui ça ? Toi. Ouais, mais moi, c'est. On est partout. Ouais. Tu peux pas tester. Non, je pas test. Tu peux pas tester notre présence. Voilà. Non, mais c'est. Au début, c'était soit pour aider des gens à lancer leur émission, soit par plaisir. Donc ça s'est fait tout seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bande de chômeurs, mais c'est pas logique. Un beau geste non nommable. Voilà, il l'a fait. C'est affectif. Affectif, mais après, je lui ai dit, moi aussi, t'inquiète. Et ben, sur ce beau geste affectif, on va rendre l'antenne quand même. Ouais. Bah ouais, parce que bon, c'est pas comme s'il était 1h02. Ouais. Minuit 2, pardon. Wow. Ah non, il est. On se calme. En vrai, ça aurait pu. Quand est-ce qu'on a fini à 7h? C'était pour la Harry Potter. Aïe, aïe, aïe. Eh, on a fait 4h d'émission, là on en a fait 3. Cette spéciale, que 3. Pas spéciale. On a fait juste que 3, c'est-à-dire que c'est. Juste que 3. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, on était 4 quand on a réussi à faire 3h, c'est fou. Imagine qu'on sera 8. Oh putain. Non, on y va, on vous laisse écouter Corvix Zombie. C'est une cover de. Zombie, ça me dit quelque chose? C'est les Cranberries. Man Immortal, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu as les Cranberries comme le gâteau. Oui. Ah, cool. Comme le gâteau, exactement. Non mais vraiment. Eh bien, on fait des gros bisous et à jeudi prochain. Bisous, bonne soirée. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.